Bonjour à tous, 9e numéro de la FCast et je suis cette semaine, ce mois-ci, en compagnie de Fabien, un habitué. Ouais, salut Fabien. Ça va ? Ça va très très bien. La forme ? Ouais, on va pouvoir sortir une petite chandelle là pour nous deux. Ouais, c'est ça, on est en duo. Bah, la dernière fois c'était déjà un numéro en duo avec Duncan, cette fois-ci c'est avec toi. Qui sera le prochain ? Telle est la question. J'ai sorti la peau de bête et le feu de cheminée là. Alors on a un petit peu réfléchi, on s'est dit que pour cette semaine, ce mois-ci, j'ai l'habitude de dire semaine, on va plutôt parler de moi, le sujet qu'on allait aborder pour le futur débat-échange serait consacré au salon slash festival de jeux vidéo. Qu'est-ce que nous on en pense, lesquels on apprécie le plus, voilà, c'est un sujet qui nous intéresse tous les deux. On fréquente des fois certains événements et du coup, je pense que c'est assez intéressant d'échanger là-dessus. Mais avant ça, je vais te demander à quoi est-ce que tu joues en ce moment. Alors en ce moment, j'ai joué à un jeu que j'ai acheté tout récemment parce qu'il a un peu baissé de prix. Yes. C'est donc Bloodstained Rituals of the Night. Et surtout qu'on en a parlé sur d'autres podcasts, on disait que c'était un jeu qu'on attendait du coup. Ouais, voilà, c'est un petit peu l'héritier de la série Castlevania. Donc en tout cas les Castlevania 2D. Donc c'est un titre que j'ai commencé là il y a quelques jours à peine, donc j'ai bien accroché parce que finalement je retrouve vraiment les mécaniques de jeu des Castlevania passés. Notamment ça ressemble pas mal à ceux sur DS. Ok, qui sont très bien d'ailleurs. Qui sont très très bien. Qui sont assez peu connus pour la plupart. Ouais. Il y en a 3 de mémoire. Ouais. Dont un qui est devenu hyper chaud à trouver, je crois. C'est le dernier, je crois. Ouais. Order of Ecclesia, si je me trompe. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et ok, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, c'est plutôt bon signe. Après, là où j'ai été un petit peu surpris dans le mauvais sens, c'est qu'au début, donc j'ai installé le jeu sur PS4. Je l'ai pris sur PS4. Ok. Donc déjà l'installation va durer un certain temps. Et il y avait donc un patch, le patch qui est sorti au lancement du jeu, je crois, qui n'était pas encore fini de télécharger. Donc je lance le jeu malgré tout. Mauvaise surprise, le jeu est en anglais, enfin sous-titré en anglais. D'accord. Et normalement, il est en français. Or, c'est le patch qui rajoute la langue française dans les bulles de dialogue. Ok. Voilà. Donc bon, ça, c'était un petit souci que j'ai pu voir. Et sans la mise à jour, le jeu crache de temps en temps. Donc, t'ouvres un ouvrage dans une bibliothèque. Tu as des sortes de bibliothèques où tu trouves des livres à lire. Donc, c'est un petit peu de background et également des astuces pour des petits combos qu'on peut faire avec ses armes. Et ça a planté 3 fois sur la même bibliothèque. Sachant que sur PS4, les jeux qui crachent, c'est quand même pas hyper, hyper commun. Non. Quoi. Mais c'était annoncé, en fait, au lancement du jeu, qu'il y avait des problèmes avant le patch. Ouais. Et pareil, il y avait des textes qui sortaient de la bulle de dialogue, on pouvait pas tout lire, c'était assez bizarre. Donc sans le patch, c'est assez chelou. Et maintenant, ça va mieux, du coup. Le patch corrige la plupart des choses. Ok. Mais voilà, plutôt bon jeu, il peut s'annoncer court au début, mais je me suis fait avoir, c'est que on a pu arriver assez rapidement, on peut facilement arriver jusqu'à la fin, mais c'est une mauvaise fin, ça fait un game over. Et j'avais ce premier aperçu que le partie labyrinthique, tous les niveaux imbriqués étaient assez petites, mais finalement là je suis pas loin de la fin du jeu et c'est vraiment assez dense, assez élargi aussi. Donc ça promet quand même quelques heures de jeu. Ouais, si tu veux, là je suis pas loin de la fin et j'ai encore toutes les options, enfin tous les petits bonus à trouver, etc. Je dois être à une 15aine d'heures de jeu. Ah quand même, donc c'est ouais c'est plutôt correct. C'est plutôt correct. Il y a des pics de difficulté par moment qui font assez mal. Si on prend pas le temps de faire du leveling, de la prise de niveau, mais très bon jeu, assez fluide, voilà. C'est pas non plus graphiquement un foudre de guerre, mais esthétiquement au niveau direction artistique, ça vaut le coup quand même. Ok, bon bah nickel. Voilà. Moi dernièrement, j'ai assez peu joué, mais je me suis quand même essayé très rapidement. Je l'ai à peine commencé, mais pour le moment c'est plutôt concluant, c'est le nouveau jeu Star Wars. Wars The Fallen Order, si je me trompe pas. Ouais. Je l'ai testé rapidement sur PC et compliqué de donner un avis parce que là, je dois être à 1h30, 2h de jeu. Mais les mécaniques de jeu sont assez chouettes. Esthétiquement, moi, je suis assez fanat du parti pris qui a été choisi. Les ambiances sont assez cool, les musiques et tout. Donc, c'est assez prometteur. Je pense qu'il y a moyen de passer un bon moment sur le jeu, et de toute manière, de ce que j'ai lu à droite à gauche et des échanges que j'ai pu avoir par exemple avec mon cousin qui a fond dessus en ce moment, c'est plutôt concluant aussi. Tout le monde semble dire que c'est un jeu qui est plus que correct et qui remonte un petit peu le niveau des jeux Star Wars de ces dernières années qui ont quand même assez souvent déçu, quoi. Et puis surtout des jeux Star Wars solo. Ouais. Il y en a pas eu depuis quoi? Le pouvoir de la Force? C'est vrai que ça commence à dater un petit peu. Mais ouais, c'est plutôt chouette. Je trouve que j'ai déjà été étonné par le bestiaire qui est quand même plutôt cool et tout. Donc non, c'est pour le peu que j'ai fait, ça a l'air pas mal. Moi, j'ai vu une vidéo qui montrait pas mal d'environnements différents. Donc j'ai l'impression que c'est assez large à visiter. Je crois que après, on va être amené vraiment à découvrir des zones qui sont toutes plus différentes les unes que les autres. Donc ouais, j'ai hâte d'avancer dans le jeu. Ouais. Ouais, puis graphiquement, c'est l'Unreal Engine 4. Ça doit être ça, ouais. Et franchement, c'est beau. Très beau. Hein. En fait, c'est surtout ce qui m'a assez étonné, c'est les jeux d'ombre et tout dans certaines zones qui sont pas mal. Je crois que la seule déception un petit peu collective de tous, c'est que l'histoire paraît-il est plutôt légère, quoi. C'est pas quelque chose d'hyper profond et de complètement révolutionnaire. Après, voilà. Moi, pour Star Wars, déjà, avoir un beau jeu avec des mécaniques de gameplay intéressantes, des ennemis intéressants, c'est déjà pas mal. Donc, peut-être que j'en reparlerai en coup de cœur, qui sait, dans les semaines à venir, on verra bien. Est-ce que tu nous as préparé une petite actu pour ce mois-ci? Quelque chose qui t'a fait vibrer, qui t'a un petit peu sauté aux yeux au cours des dernières semaines? Ouais, donc moi je suis un grand fan de la licence Half-Life. Donc j'ai été un peu surpris de voir l'annonce. J'ai pas trop suivi les actus au jour le jour, mais j'ai vu à un moment donné le sujet Half-Life de retour. Je crois que tout le monde a été surpris, c'est un peu sorti de nulle part. C'est clair. Comme Valve sait bien le faire. Donc on a eu un nouveau entre guillemets Half-Life qui a été annoncé, qui s'appelle Half-Life Alyx. Donc j'ai fait super, hein, je vais regarder ce qu'il en est. J'ai un petit peu, c'était un peu la débandade parce que finalement, en tout cas pour moi, c'est un jeu exclusivement VR, réalité virtuelle. Ouais. Je suis pas un grand joueur de VR parce que moi ça me rend un peu malade. Et puis voilà, j'aime bien un peu le jeu conventionnel. Donc je m'attendais non pas à une suite Half-Life 3, évidemment, quand j'ai vu le sous-titre, je me suis dit c'est forcément une histoire un peu alternative, mais le fait de se cantonner uniquement aux joueurs VR, c'est un peu dommage, moi ça me déçoit parce que je pourrais pas forcément en profiter, ouais. Je pourrais pas en profiter d'ailleurs. Et qui plus est, de ce que j'ai lu, c'est que le jeu est assez gourmand, il faut avoir une sacrée configuration pour pouvoir en profiter. Donc en fait ça limite quand même beaucoup les choses parce que on est sur un jeu en VR donc déjà tu t'adresses à ceux qui sont équipés. Ouais. Valve du coup c'est sur PC. Oui. Du coup les gens qui ont un PSVR etc c'est mort. C'est mort. Et en plus parmi ceux qui ont de la VR et tout à la maison c'est ceux qui auront les configurations peut-être les plus costauds qui pourront jouer au jeu. Alors, faut être un joueur bobo en fait. Ah non mais enfin ouais effectivement c'est un parti pris qui est assez étonnant. Bah oui mais après il y a des choses qui peuvent encore être faites, peut-être que ce sera modifié à terme pour pouvoir toucher un plus grand nombre de joueurs. Ça fera peut-être comme certains jeux qui sont... alors, souvent c'est plutôt VR compatible, là ce sera peut-être non VR compatible, c'est-à-dire qu'en gros le jeu était pensé pour la VR, mais tu pourras peut-être y jouer en mode classique sur ton PC sans casque, hein, donc qui sait. Peut-être, il faudra, je pense, revoir la partie gameplay, parce que là évidemment elle est vraiment axée VR, j'ai vu des vidéos, alors évidemment c'est excellent. J'ai vu un peu des phases d'action, des gunfights vraiment chouettes. C'est très joli. Et est-ce qu'en soi, ce serait pas... je pose la question, mais est-ce que ce serait pas une espèce de coup de com' pour préparer les gens, faire connaître peut-être aux plus jeunes joueurs la licence à Half-Life, se dire que finalement, ceux qui vont le plus jouer à ce jeu, c'est peut-être des youtubeurs, etc., qui vont en faire des vidéos. Parce que si tu dis que c'est impressionnant, généralement, les youtubeurs, ils sont équipés, enfin, les gros youtubeurs, avec le matos qui peut faire tourner ça. Si ça se trouve, je me trompe peut-être, hein, je suis en train de fantasmer un truc, mais se dire que, est-ce que c'est peut-être pas, en fait, presque une opération de com' pour faire découvrir la licence par certains, pour ensuite annoncer le temps attendu Half-Life 3. Ce serait bien, hein. Moi, en soi... je m'en fous un peu parce que j'ai jamais joué à Half-Life. Je sais que pour certains, c'est un peu honteux. Enfin, autant j'ai joué au mode de Half-Life, Counter-Strike, etc. Mais je sais pas pourquoi j'ai jamais eu la tentation de me lancer dans Half-Life. C'est pas un jeu qui... En fait, Half-Life, je pense qu'il faut l'avoir connu à l'époque de sa sortie. Moi, j'ai eu cet avantage-là. Tu penses que ça a bien vieilli? Ça va. Il y a pas forcément... jouable très facilement aujourd'hui, mais c'est difficile pour moi de m'exprimer sur ce sujet parce que moi j'ai encore le côté nostalgique, ouais. Je me souviens de certains trucs, etc. Donc forcément pour moi c'est Madeleine de Proust. Mais pour toi, ça vaut peut-être le coup pour le côté un peu historique parce que finalement ouais. C'était un des premiers jeux à avoir une IA vraiment développée. Même si aujourd'hui c'est rien par rapport à ce qui se fait maintenant. Même s'il y a certains titres qui pourraient s'en inspirer parce qu'ils ont une IA mauvaise. Mais voilà, c'est vraiment pour voir ce côté un peu historique pour toi peut-être. Du reste, pas tant que ça. Le scénario, il y a plein de jeux qui ont fait des trucs aussi bien. Mais voilà, pour son époque, il était révolutionnaire. Ok. Bah moi, de mon côté, j'ai hésité entre deux actus à présenter. La première, c'était principalement axée année 2020. Je sais pas si t'as vu, mais au cours des dernières semaines, il y a vraiment plein de mangas qui ont été annoncés en adaptation jeux vidéo. D'accord. Courant 2020, et surtout entre le mois de janvier et le mois de mars, quoi. Donc ça va arriver vite. Il va y avoir Fairy Tail, One Piece, My Hero Academia et un quatrième, j'ai plus en tête. J'ai vu My Hero Academia, c'est une sorte de c'est un versus fighting. Mais en fait, c'est la suite d'un. Non, c'est One Punch Man que j'ai vu. Ah, et One Punch Man. Voilà. Oui, c'est ça. En gros, voilà, quatre jeux qui vont arriver là en l'espace de 3 mois. Mais c'est pas ce sujet que j'ai choisi. C'est un truc que j'ai découvert un petit peu par hasard. J'en avais pas du tout entendu parler. C'est l'annonce, la sortie d'un jeu assez imminente. Et ce jeu s'appelle Virgo versus the Zodiac. Est-ce que t'en as entendu parler ou pas du tout ? Pas du tout. Eh ben, je connaissais pas du tout, et ce qui m'a interpellé, c'est... je devais être sur Gamekult ou jeuxvideo.com, ouais. Et c'est tout simplement l'artwork du jeu vidéo que j'ai trouvé hyper sympa. Ouais. Et donc, je me suis un petit peu penché là-dessus, et ça a l'air d'être un petit jeu indépendant assez étonnant, qui sort de l'ordinaire, et qui va peut-être nous proposer quelque chose d'assez intéressant. En gros, pour revenir un petit peu en arrière... c'est le studio Moonana, M-O-O-N-A-N-A, qui a lancé une campagne de financement participatif en septembre 2017. Ils voulaient 18 500 $ pour produire leur jeu. Ils ont récolté à peu près le double, un peu plus de 36 000 $. Et du coup, après 2 ans de travail acharné, eh ben, ils nous ont annoncé la sortie de leur jeu, qui sera donc un JRPG un peu what the fuck, où on incarne un personnage qui est, si je me trompe pas, une espèce de déesse qui doit remettre en ordre et combattre, éradiquer des hérétiques de la galaxie. Et en fait, c'est donc comme je disais, un JRPG mais en tour par tour. Et moi, je suis assez amateur des jeux de rôle en tour par tour, mais qui veut un petit peu moderniser le truc, puisque souvent on a pas mal de jeux en tour par tour qui ont des gameplays un petit peu datés, etc. Ouais. Et en fait, dans le tour par tour, ils vont quand même incorporer des mécaniques de gameplay en temps réel. En gros, tu pourras éventuellement, des fois, si j'ai bien compris, faire des séries de touches ou appuyer sur des touches particulières pour augmenter par la suite ta capacité offensive ou défensive, etc. Donc, d'accord. C'est ça que j'ai trouvé assez intéressant. On est sur une esthétique qui est complètement rétro, etc., que je trouve assez sympa. Ouais. Bref, je suis assez enthousiaste et je vais surveiller de près. Alors, je dis pas que je vais acheter le jeu à sa sortie. Je crois qu'il est annoncé à $15, si je me trompe pas. Il sort le 12 décembre 2019, donc ça va arriver très vite. Et voilà. C'était, sur Steam. Voilà. C'était surtout l'occasion, en fait, de parler d'une petite curiosité. Dont je pense peu de personnes ont entendu parler, donc c'est Virgo versus The Zodiac. Très bien, bah ça m'intrigue pas mal, j'irai voir. Je te propose de passer au coup de cœur et au coup de gueule. Bah, à toi l'honneur. À moi l'honneur. Alors, bah, comme je disais, j'ai assez peu joué dernièrement, et pour cause. Alors, c'est pas histoire de raconter ma vie, mais je suis parti à l'étranger il y a quelques semaines. Et dans une des capitales mondiales du jeu vidéo, qui est Tokyo. Et en fait, mon coup de cœur, ça va être pour le système de fonctionnement, en fait, des salles d'arcade actuelles dans Tokyo. C'est un ami qui m'a présenté ça, et je trouve ça vraiment hyper bien fait. Tu peux acheter une espèce de carte, qui ressemble à une espèce de carte de fidélité dans un magasin, etc., et qui va fonctionner sur la quasi-totalité des bandes d'arcade dans le pays. Ah oui, dans le pays. Okay. Et en fait, elle est rattachée donc à un profil perso, un compte qui va en fait sauvegarder ton niveau de progression, tes scores sur les bornes dans lesquelles tu vas jouer. Et du coup, à chaque fois que tu vas aller dans une nouvelle salle d'arcade, te mettre sur une borne, tu vas scanner ta carte. Et par exemple, si tu fais du jeu de danse, ça va se rappeler des musiques que tu auras débloquées dans le jeu de danse pour avoir ton niveau de progression, peu importe en fait où tu joues dans le pays. Et ça, je trouve ça hyper bien foutu. C'est vraiment trop cool. Sachant que à partir du moment où tu scannes ta carte sur une borne, ça prolonge du coup sa durée de vie. Enfin, ça lui donne une durée de vie de 10 ans. C'est-à-dire qu'elle est active encore pour 10 ans. Parce que on connaît des systèmes où quand tu n'utilises pas une carte quelque part, au bout de 2 mois, bah en fait on te supprime ton compte ou n'importe quoi. Mmh. Et là, à partir du moment où tu l'utilises, hop, ça lui donne 10 ans d'existence, de fonctionnement, quoi. Du coup, je trouve ça hyper hyper cool. Après, je me suis un petit peu documenté parmi les collectionneurs d'arcade. Par contre, ça fait un petit peu râler parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des bandes d'arcade sont connectés à un réseau internet avec des systèmes de protection, etc. Et du coup, si toi, en tant que particulier, t'as envie d'en acheter une, de l'importer et tout, en fait, la plupart des fonctionnalités ne fonctionneront pas ou carrément ta borne risque de ne pas fonctionner, en fait. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais je trouve qu'en tant qu'utilisateur, si t'as envie de jouer à droite, à gauche, et même carrément que t'as envie de te faire un voyage dans le pays et de temps en temps passer une soirée à jouer à ton jeu préféré, je sais pas, à du Mario Kart, à n'importe quoi, hop, tu peux scanner ta carte et on se souvient de ton niveau de progression dans les jeux. Ça te donne aussi des statistiques, voir si tu progresses, etc. Enfin, ça, c'est hyper intéressant. Je pense notamment aux jeux musicaux, parce que vraiment, j'ai halluciné sur le niveau de certains joueurs, quoi. C'est hallucinant. Ils font des mouvements qui sont quasi inhumains. Et du coup, les mecs, ils ont des courbes de progression, etc. Et ça leur affiche carrément, vu que c'est connecté à Internet, leur niveau de classement national. Donc on leur dit, toi, avec ton niveau actuel, tu es le 252e du pays, par exemple. Quoi. D'accord. Et donc, je trouve ça hyper cool. Ouais, c'est un côté de tournoi, vraiment... Ouais, finalement, en fait, tu peux... t'as ce côté de challenge, un petit peu comme t'as sur certains jeux sur PC, etc., alors que t'es sur de l'arcade. Jusque-là, il y avait déjà les tableaux de score, mais c'était vrai pour chaque borne. Dans les années 80-90, c'était comme ça. C'est allé sur telle borne, le meilleur score à tel jeu, c'était tant... Et tu battais celui qui avait fait le meilleur score sur cette borne. Là, tu peux te comparer carrément à tous les joueurs dans le pays, quoi. C'est vraiment chouette. Hyper bien foutu. Enfin, ça m'a convaincu. Peut-être que ça séduira certaines personnes et ça vous donnera des idées si vous comptez partir là-bas. Toi, tu avais peut-être... je crois que tu me parlais d'un... Ouais, alors du coup, moi, ces derniers temps, j'ai pas mal joué. Ça change un peu parce que par le passé, dans d'autres numéros... la Fcast, je disais que j'avais pas trop le temps, etc. Je me suis un peu rattrapé. Alors là, c'est un jeu que j'ai acheté prix fort quasiment, ce qui est très rare pour moi. Mais en fait, c'est je m'en suis j'ai vraiment appris son existence à son lancement. Ok. Donc j'ai vu des vidéos et je me suis dit bon, ça c'est un jeu pour moi. J'ai dit par le passé que j'étais un gros fan de Fallout, j'étais un gros fan de RPG. Et donc je suis parti sur le jeu qui s'appelle The Outer Worlds. C'est un jeu qui est développé par Obsidian Entertainment, donc un studio qui a fait notamment Fallout New Vegas, qui était reconnu et apprécié pour la qualité de son écriture. Et donc ce jeu-là, c'est un jeu qui se passe dans l'espace, dans une colonie, donc c'est typiquement futuriste, mais pas que futuriste, on n'est pas sur en tout cas la Mass Effect. Il y a un côté un peu visuel, un peu à l'ancienne, comme si c'était un mélange entre le passé et le futur. Un petit peu le futur qu'on imaginait... À une certaine époque. À une certaine époque, Généralement, c'est comme ça qu'on définit un petit peu, je dis pas que c'est ce style-là, mais quand on parle de steampunk, par exemple, on se dit, c'est la science-fiction d'une autre époque, en fait. Ouais. C'est, en gros, pendant la période des Lumières, si on avait dû imaginer ce qu'était la science-fiction, ça aurait ressemblé à ça. Du coup, je pense que c'est un petit peu ça que tu veux dire, quoi. Ouais, c'est un peu ça, effectivement. Même, c'est même un petit côté hard SF, dans le sens, c'est de la SF un petit peu kitsch. Mais ça sert bien le truc, hein. C'est vraiment sympa. Ah, moi j'ai vu quelques artworks et tout, c'est plutôt sympathique. Mais effectivement, comme tu disais, c'est pas un jeu qui a eu droit à des grosses campagnes publicitaires, etc. Enfin, ça a un peu passé inaperçu. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant, d'autant plus que le studio, en fait, il a été un petit peu mis en avant sur l'actualité parce qu'il a été racheté par Microsoft. Ok. Donc moi je pleure parce que je suis pas très Microsoft et les prochains jeux de ce studio iront sur Xbox. Alors il vient d'être acheté ou il a été acheté il y a quelques temps déjà? Il vient d'être acheté parce que évidemment là le The Outer Worlds j'ai acheté sur PS4 donc il est multiplateforme PS4 360. Gros bug. PS4, Xbox One et PC évidemment. Donc là c'est un titre qui m'a bien plu. Pour son esthétique, pour son côté vraiment le game, un gameplay assez proche d'un Fallout, et pour contrebalancer un peu le Fallout 4 qui a été un petit peu moins apprécié pour la qualité de son écriture évidemment, là ici on est vraiment sur quelque chose de très sympa, même si l'histoire est quand même, enfin le cheminement est beaucoup plus court qu'un Fallout récent. Ok. Ça se termine, moi je l'ai fini en une vingtaine d'heures en faisant le maximum de quêtes secondaires. Ah oui, donc c'est pas non plus c'est pas très... aussi généreux qu'un... Et c'est pareil, on peut pas monter non plus à un niveau d'expérience extrêmement élevé. Mais bon, ça suffit parce que finalement, on peut visiter différentes planètes, différentes colonies. Les zones sont assez restreintes, donc finalement, le côté exploration, il est là, mais on peut pas non plus... Il pouvait pas tirer plus loin en termes de quête. Okay. Sinon, ça aurait fait vraiment beaucoup de redondance. Mais les quêtes sont très bien travaillées, qu'elles soient principales ou secondaires. Il y a toujours beaucoup d'informations, beaucoup de choix de dialogue qui ont des impacts pour la suite et pour l'issue, parce qu'on va rejoindre ou pas des factions. Bon, les fans de Fallout connaissent bien ça, rejoindre une faction, s'attirer les foudres d'une autre, etc. Ça, c'est ce qu'on peut faire. On peut aussi jouer à fond sur le côté, sur la partie charismatique du personnage pour avoir des choix de dialogue supplémentaires, la persuasion, l'intimidation, pour arriver à ses fins sans recourir aux armes, par exemple. C'est ce que j'ai fait. J'ai joué vraiment le tchatcher de première et j'ai éliminé le moins de personnes possible. Ok. Pour voir un peu ce que ça allait faire. Souvent, c'est ce qu'ils font les fans de Fallout. Donc, on retrouve un petit peu l'essence, le gameplay de cette essence. Dans un univers complètement différent. Voilà. L'univers est bien différent et sympa. Mais déjà, je trouve que la jaquette du jeu est trop belle, quoi. Ouais. Exactement. Il y a presque un côté années 80, tu vois. Oui. Je sais pas, le costume, ça fait presque Tron, tu vois, un truc dans le genre. Ouais. Enfin, comme tu disais, un peu kitsch. Un peu kitsch. Et dans le jeu, c'est pareil. Tu vas trouver pas mal de tenues comme ça, un peu kitsch, des casques roses et tout, c'est bizarre. On peut ne pas aimer parce que esthétiquement, il y a quand même beaucoup d'effets flashy par endroit. Il y a des designs de personnages un peu curieux, de personnages de monstres un peu curieux. Mm-hmm. Ils sont pas très variés en même temps. Bon, ça c'est une chose. Et il y a un côté frustrant dans le jeu, c'est que, un peu comme Mass Effect, quand tu passes d'une planète à une autre, tu vois cette fameuse map monde ou map espace, où tu vas voir différentes planètes, et là, t'en as quelques-unes qui sont présentes, qui sont nommées, qui sont sur le plan, tu pourras jamais y aller. Parce que c'est pas prévu dans l'histoire. Donc, j'ai peur du DLC. Parce que c'est peut-être gratuit. Peut-être gratuit. Ou alors peut-être c'était juste là au cas où, peut-être pour une suite, je sais pas, mais bon. Et tu sais si ça a été un succès commercial ou pas? Non, je sais pas du tout. Parce que moi, j'ai vu que dernièrement, il avait été mis en avant sur l'Epic Game Store. Okay. En gros, quand tu le lançais dans la partie boutique, c'était vraiment le jeu qui était mis en avant et tout. Mm-hmm. Après, est-ce que derrière, ça a bien marché? Ça, je sais pas du tout, quoi. Ouais, bah, moi non plus, je sais pas. Il faudra peut-être un petit peu attendre pour avoir des données chiffrées ou des choses comme ça. Bah, j'espère en tout cas qu'il aura un succès suffisant parce que bah, c'est quand même une sacrée initiative. Et ça t'a plu au point d'en attendre une suite peut-être ou... Pas forcément. Mais... Tu trouves que le jeu suffit à lui-même, quoi. Ouais. J'aurais voulu que ce soit un peu plus étendu pour, parce qu'on voit le système des colonies, il ne peut pas accéder à tout. C'est frustrant parce qu'on voit ces planètes. Et on se dit, bon, finalement, c'est un peu dommage. Les choses qui m'ont frustré, c'est ça, et le côté des certaines planètes qui sont assez restreintes en termes de rayon d'action. Ok. Mais c'est la narration qui vraiment joue un grand rôle. Bon, bah, je me pencherai là-dessus, hein. Ça se trouve, ça pourrait peut-être me plaire. Ouais. À voir. Ok. T'avais peut-être quelque chose à rajouter ou... Non, sur ce jeu-là, globalement, c'est ce que je voulais un peu transmettre. C'est un jeu au prix jeu normal ou c'est... Alors, je crois que le prix de lancement est pas à 70€, il est un petit peu moins. Okay. Moi, je l'ai eu, dans les 52€, si je ne me trompe pas. Mais bon, c'est le type de jeu qui va certainement baisser. Ouais. À l'instar de, par exemple, Borderlands 3, qui est un peu dans la même idée, au niveau esthétique et gameplay, qui a baissé à 30€ un peu partout. Je pense que c'est un titre là qui descendra. Je sais pas si le Borderlands il a si bien marché que ça au final. Ben, j'ai quand même vu beaucoup de gens dans mon entourage qui l'ont acheté. Ouais. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de ventes. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient pas vu les retours un peu catastrophiques du lancement. Ouais, il y a de ça, ouais. Puis de toute façon, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a baissé aussi rapidement, ce jeu. Ouais, bah il a eu mauvaise presse au départ. Ouais, moi je l'attendais beaucoup. Je l'ai pas encore acheté parce que je préférais attendre qu'il baisse un peu. Là, je pense que je me suis tenté avec son prix divisé par deux, à 30 euros, avec des patchs. Moi, il me tente pas trop, pour tout avouer. Bah, ça, c'est un petit... Et les retours que j'ai eus sont vraiment pas dingues. Tout le monde m'a dit l'humour est pas top. Bah, c'est de l'humour pipi caca. Ouais, mais il paraît que c'est vraiment pire que les autres, quoi. Ouais. Là où, tu vois, c'était fun et décalé sur les autres, paraît que là, ça en devient lourdingue, en fait. Ouais. Et j'ai quand même eu ce retour de plusieurs personnes différentes, quoi. Donc, ouais, je trouve ça un peu dommage. Et que le jeu est pas aussi généreux que les deux précédents, quoi. Ah, il est pas aussi généreux? Paraît-il. Ah, bah, d'accord. À voir. Bon, après, je te laisse te faire ton propre avis. Moi, je ne fais que repartager la parole qui m'a été faite, mais voilà. Si je peux me permettre, juste par rapport au dernier numéro où j'ai pu participer, j'ai joué enfin Red Dead Redemption 2. Ok. Et je l'ai fini. Et donc je peux confirmer que c'est un très bon jeu, encore une fois au niveau narratif. Il est excellent. La mise en scène aussi est excellente. Rien que pour ça, ça vaut le... Il aurait mérité meilleur jeu de l'année 2018 pour toi? À la place de God of War? Bah, généralement, enfin, il y a deux clans. Il y a ceux qui pensent que ça devait être God of War et ceux qui pensaient que ça devait être Red Dead Redemption. C'est difficile parce que... Vraiment très différent, quoi. Ouais. Red Dead Redemption, il brille vraiment pour sa mise en scène et son scénario. Et God of War, il brille vraiment pour son ambiance et son gameplay. Ouais. À mon sens. Après le gameplay. Le God of War, il a vraiment un côté hyper jouissif, tu vois. Je trouve que tu sens vraiment la violence des coups et tout. C'est assez dingue. Tu as pu le tester? Je l'ai pas fini, mais j'ai un petit peu avancé dedans et tout. Okay. J'ai bien aimé, ouais. Sachant que j'ai pas énormément fait les précédents God of War et tout, donc. Rien à voir, de toute façon. Peu de choses à voir. Pas plus mal. Moi, je suis pas totalement contre le fait que aujourd'hui on reprenne des licences et qu'on les revisite un peu, parce que je pense que ça permet justement à attirer des joueurs qui ont pas connu voilà ces séries-là et à s'emparer un petit peu de ces univers. Enfin, je trouve ça plutôt pas mal. Ça les remet un petit peu au goût du jour, parce que il y a pas mal de licences comme ça qu'on a aimé. Au début des années 2000, fin années 90, etc. Et peut-être que si on nous faisait la même proposition aujourd'hui, même si c'était un peu remis à neuf, etc., bah, ça nous séduirait pas autant, parce qu'entre-temps, bah, on a eu de l'expérience, on a testé d'autres choses. Et moi, j'aime bien ce côté un peu audacieux de prendre le risque de revisiter une licence, etc. Alors, c'est à double tranchant, mais je pense que pour God of War, ça a été réussi, quoi. Bah, pour God of War, c'était nécessaire, ouais. Parce que le précédent... God of War Ascension, donc c'était le quatrième épisode. Il a pas eu vraiment un gros succès. Ouais. J'avais pu le tester à l'époque et j'avais mis une note assez moyenne parce que finalement on avait quelque chose qui tournait un peu en rond et en termes d'histoire et en termes de gameplay, ça commençait un peu à vieillir. Après l'excellent God of War 3 qui a vraiment mis une grosse claque, le 4 était vraiment en demi-teinte. Ils avaient essayé de révolutionner un petit peu avec un mode multijoueur qui était mauvais. Honnêtement, il était mauvais, brouillon, aucun intérêt. Donc pour continuer la licence, il n'y avait pas d'autre choix que de revisiter un peu la partie prise en main gameplay. Tu vois, en parlant là, je pensais à d'autres licences en même temps. Tu vois, je pensais à Tomb Raider qui a réussi à se renouveler il y a quelques années là. 2013 avec Tomb Raider. Ouais, ça fait déjà 5-6 ans. Ouais. Ouais. Je pensais, bon après, il n'y a pas eu de succès critique par la suite, mais il y a quelques années quand Prince of Persia était revenu aussi. Sur PS3, je crois que c'est Les Sables du Temps, si je me trompe pas. Ou Prince of Persia tout court, il était en Prince of Persia. En cel-shading. 2009. Voilà. Et à chaque fois, je trouve que c'est quand même des prises de risque, hein. C'est pas des choses qui sont faciles à faire, à mon avis, et c'est plutôt réussi. Il y en a d'autres qui réussissent moins bien ce pari, mais à mon avis, enfin, l'exemple de Tomb Raider, tu vois, beaucoup ont dit, ah, c'est dommage, ça se rapproche d'un Uncharted. Oui. Mais c'est vrai. N'empêche que ça a réactualisé le truc et je pense que les jeunes joueurs auraient du mal à jouer un Tomb Raider à l'ancienne, etc. Parce que c'est peut-être plus ça que les jeunes générations attendent non plus. Et je pense que souvent on oublie que on n'est plus les seuls joueurs. C'est qu'il y a des nouvelles générations qui ont aussi, elles, d'autres attentes. Et c'est important pour les studios d'essayer à la fois de ne pas perdre ceux qui ont connu la licence, mais d'attirer des nouveaux joueurs. Et pour éventuellement les fidéliser par la suite. Bon, là, on a fait une grosse parenthèse. Ça pouvait presque faire le sujet d'un, oui, d'un AFcast, parce que c'est vraiment passionnant. Ouais, suivi des licences, comme ça, leur évolution, c'est intéressant. Carrément, tu vas revenir sur, je sais pas, les licences marquantes de l'histoire du jeu vidéo et lesquelles ont réussi à, voilà, à se moderniser avec le temps. Où je pense, tu vois, là, d'un coup, là, je pense à Metroid aussi, qui s'est complètement transformé avec les Metroid Prime, et pourtant, pour beaucoup, ça fait partie des meilleurs Metroid, quoi. Bref. Et d'autres qui se sont ratés, genre, Megaman, ou des choses comme ça, quoi. Ouais, Megaman a fait des errances. Ouais, ouais, carrément. Je te propose d'enchaîner avec notre échange sur les salons de jeux vidéo, et on pourrait même presque dire les salons un peu culture geek maintenant. Ouais. Voilà. Alors Fabien, là il y a la Paris Games Week qui s'est terminée il y a peut-être un mois maintenant. Là on est fin novembre, donc c'était fin octobre si je me trompe pas, ou peut-être début novembre. J'ai pas fait mes devoirs. Je vais vérifier ça tout de suite. Moi non plus en même temps. Je pense que je vais commencer par te poser cette question. C'est, est-ce que toi, la Paris Games Week, c'est un salon de jeux vidéo qui t'intéresse, qui t'attire, qui éveille ta curiosité, te donne envie d'y aller ou pas du tout? Alors, c'était du 30 octobre au 3 novembre, donc effectivement, c'était il y a un mois pile, vu que là, on est le 30 novembre. Exactement. Donc, nickel. Alors, sur ce salon-là, en fait, ça m'a jamais vraiment fait briller, enfin, fait rêver plus que ça. Même si il a un gros succès, de plus en plus, mais ouais, j'ai cette impression vraiment que c'est très marketing. J'ai vraiment cette impression que c'est très marketing, et aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je recherche. T'as déjà eu l'occasion d'y aller une fois ou pas du tout? Non, moi j'étais allé à l'époque de l'ancien salon. Ah oui, avant que ce soit la Paris Games Week, c'était le Micromania Game Show. Game Show, ouais. J'étais allé deux fois, parce que bon, à ce moment-là, j'étais journaliste jeux vidéo. Donc j'ai eu l'occasion d'y aller et c'était intéressant, même si on avait déjà un peu ce côté voilà, c'est un peu le côté too much avec lancer des goodies dans tous les sens, etc. Mais il y avait la possibilité de tester pas mal de jeux, c'était intéressant à ce moment-là. C'était aussi une période où je commençais à fréquenter les salons, donc forcément ça m'avait beaucoup plus plu. Ouais. Mais pour ce qui est Paris Games Week, même ça prend de l'importance aujourd'hui, ça prend même tellement d'importance qu'il y a des gens qui parlent d'arriver un peu à un équivalent de la Gamescom, par exemple. Ouais. Bon, en termes de fréquentation, ça s'en rapproche de plus en plus, hein. Oui. Cela dit, là où ça change, ça me vient en tête maintenant, forcément, c'est que les annonces, elles sont pas là. C'est très rare qu'elles se fassent là. Alors, elles ne sont plus là. Parce que moi, j'ai eu, alors, c'était peut-être pas forcément des annonces, mais il n'empêche qu'à une époque, la Paris Games Week, moi, je fais partie des personnes qui ont été déçues dans le temps par la Paris Games Week. J'ai fréquenté les premières éditions. Alors, pas la première, mais j'ai fait la deuxième, troisième, quatrième, cinquième. J'ai dû faire quatre ou cinq éditions, quatre ou cinq ensuite. Et malheureusement, petit à petit, j'ai vu un peu le salon se détériorer, en fait. Non, perdre en intérêt exclusif. Oui, d'accord, donc, ouais, c'est ça. Dans le sens où... notamment pour la presse, à une époque, il y avait vraiment des présentations presse à la Paris Games Week. Je me souviens d'une année où j'avais été accrédité et j'avais eu l'occasion de participer à la présentation presse de... alors à l'époque, c'était Sonic Generation et Binary Domain. Ah oui, okay. Donc c'était deux jeux Sega et Sega vraiment avait joué le jeu. Ils avaient invité les créateurs du jeu, donc j'avais rencontré le créateur de Binary Domain qui a travaillé aussi sur la licence Yakuza si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Et une partie de l'équipe qui a travaillé aussi sur Sonic Generation. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Il y avait des séances de dédicaces qui étaient organisées et tout. Enfin vraiment, c'était des trucs costauds. Il y avait aussi à l'époque un gros truc autour de Uncharted 3 si je me souviens bien. Bref, il y avait vraiment des choses qui étaient assez intéressantes. Après, je pense que la plus grosse contrainte de la Paris Games Week, c'est tout simplement la date à laquelle ça se déroule, en fait. Ce qui est compliqué, c'est que les annonces, la plupart du temps, ça se fait dans la première moitié de l'année pour annoncer les sorties de fin d'année, puisque c'est là que généralement se concentrent vraiment les grosses sorties. Donc l'E3 est plutôt bien positionné. On est au mois de juin. La Gamescom est encore pas trop mal parce que on est pendant l'été, c'est le mois d'août si je me trompe pas. Oui. Et donc il y a encore possibilité d'annoncer des choses pour la fin d'année. Mais sauf que quand t'es début novembre, Alors déjà, t'as une partie des jeux de la fin d'année qui sont déjà sortis. Oui. Les jeux de septembre et octobre. Et sinon, le reste arrive dans deux semaines. Et c'est ça qui est embêtant, c'est que je sais que beaucoup reprochent, par exemple, à la Paris Games Week, que la moitié des jeux qui sont présentés sont sortis ou vont sortir dans une semaine et qu'on se retrouve à faire 5 heures de queue pour un jeu qu'on pourra avoir à la maison dans une semaine. Mais c'est tout simplement qu'en termes de date, je pense que c'est une vraie... pour en faire un salon européen, comme tu disais tout à l'heure, c'est une erreur, en fait. Oui, c'est trop tard. Hein. C'est beaucoup trop tard. Et c'est dommage, parce que on sait que certains éditeurs, constructeurs, ont une véritable affection pour ce salon. C'est Sony, il y a un ou deux ans, qui a essayé de faire une conférence avec des annonces à la Paris Games Week, etc. Sauf que, pour en faire un véritable rendez-vous, il faudrait que énormément, en fait, d'acteurs du monde de jeux vidéo fassent de ce salon un rendez-vous où on fait des annonces. Un événement fort, quoi. Ouais. Alors, sachant qu'on est déjà sur une démarche qui est de moins en moins celle-ci à l'E3, il y a peu de chances en réalité que ça arrive à la Paris Games Week, parce que si même à l'E3, on a des géants comme Sony qui veulent plus de stands ou Nintendo qui font des Nintendo Direct, je suis pas sûr que ce sera à la Paris Games Week que ça se fera, quoi. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est un petit peu compliqué, parce que je pense qu'au départ, c'est quand même un salon qui est assez chouette, et qui a quand même une particularité, et qui, pour moi, en fait quand même, malgré ce que j'ai à reprocher à ce salon, un rendez-vous quasi immanquable, c'est que ça reste là que se déroule une partie de l'ESWC. Et donc, c'est en plus d'être un salon grand public, où les gens peuvent découvrir les sorties de fin d'année, tester des consoles, etc., il n'empêche que ça fait partie des plus grandes scènes d'Europe pour du tournoi de jeux vidéo. Il y a des grands tournois de Counter-Strike, de League of Legends, etc., qui se déroulent là-bas, et ça, c'est pas rien, quand même. Et oui, oui. Je sais pas ce que t'en penses. Bah oui. Après, c'est... toi, t'es peut-être un petit peu moins e-sport aussi. Ouais, bon, ça, on en avait déjà parlé. Effectivement, je suis un peu moins e-sport, mais évidemment, je pense que si cette partie-là, la partie e-sport, n'était pas présente sur cette date-là, ça diluerait énormément le salon, quoi. Bah, en fait, si t'enlèves ça, et maintenant, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi pas mal d'acteurs indépendants qui sont présents sur la Paris Games Week, et donc il y a aussi possibilité de découvrir un petit peu autre chose. Ouais. Effectivement, ça en ferait un petit peu une espèce de salon vitrine de Noël, et c'est par moments un petit peu dommage. Mais il faut se dire que c'est quand même cool pour le grand public. Alors, nous, je pense que ça nous déçoit un peu, parce que on a eu pendant un temps cette étiquette, presse, blogueur, donc on a un peu des attentes de journaliste, entre guillemets. Oui, ouais. Mais pour le grand public, ça reste quand même un rendez-vous qui est hyper intéressant. C'est l'endroit où tu rêves, tu peux tester plein de jeux que t'auras peut-être pas, parce que bah, quand t'es ado, bah, t'as peut-être que un ou deux jeux en fin d'année, et bah, c'est peut-être ton occasion de mettre les mains sur d'autres jeux, de découvrir des choses, etc. C'est vrai, c'est vrai. Et je sais pas si c'est encore le cas, ça je regarde plus trop, mais à une époque, il y avait quand même souvent les créateurs des jeux qui étaient invités. Dans les éditions que j'ai fait, il y avait eu la sortie à l'époque de Rayman Origins, donc celui qui est sorti avant Rayman Legends, ouais. Et il y avait Michel Ancel qui était là, oui, il y avait possibilité de le rencontrer, faire dédicacer ton jeu et tout, et ça c'est plutôt cool. Mais même, tu vois, cette année, il y a eu la présence notamment de Yu Suzuki, ouais. Qui était là, pour Shenmue 3. Mm. Voilà. En soi, je suis assez étonné que t'en aies pas parlé tout à l'heure dans les coups de cœur, coups de gueule. Parce que j'ai pas pu le tester, en fait. J'ai vu des notes assez moyennes et je me suis dit, je le prendrai quand il va chuter. T'as vu qu'ils ont fait un embargo de ouf pour qu'il y ait aucun test qui sorte avant la sortie du jeu. Ouais. Je crois même que, enfin, à vérifier, mais pour certains médias, ils ont reçu le jeu le jour de la sortie. Oui, oui. Et du coup, bah, les tests sont sortis après et j'ai vu les premières notes tomber. C'est la cata. Même des sites qui ont tendance à noter généreusement comme jeuxvideo.com, quoi. Oui, oui. Jeuxvideo.com, ils ont mis 10 sur 20. Oui, j'ai vu 10, ouais. Ouais. En gros, un jeuxvideo.com 10 sur 20, pour un game culte, je suis pas allé voir, mais à mon avis, ça doit être un 2 ou un 3 sur 10, du coup. De toute façon, c'est clair, moi, ça me rappelle un peu, enfin, pour mes derniers moments de journaliste jeux vidéo, j'avais reçu Fallout 76. Ouais. Et je l'avais reçu après la sortie. Ça voulait tout dire. Ouais, généralement, tu sais que ça pue. Ouais. Que c'est mauvais signe. Oui. Mais ouais, du coup, bah, comme quoi, il y a encore des invités à la Paris Games Week, et ça aussi, c'est intéressant. Après, moi, il y a quand même quelque chose que je regrette un peu, c'est que, bon, déjà, il y a ce côté peut-être un peu trop vitrine de Noël, où chaque stand essaye de mettre le son plus fort que celui d'à côté pour attirer tout le monde. ça en est un peu fatigant. C'était déjà à l'époque de Micromania Game Show. Ouais. J'ai fait 2007-2008. C'était déjà un peu d'un côté, enfin ça c'est le jeu des salons la plupart du temps. Oui. Quand c'est des salons avec principalement des éditeurs, des constructeurs, peu importe le secteur, c'est celui qui fera le plus rêver les gens. C'est comme ça un peu partout. Mais c'est un autre truc, et pourtant on en parle souvent. Moi je suis très YouTube, YouTuber, etc. Mais j'ai l'impression que c'est devenu presque le lieu de rendez-vous pour aller rencontrer son YouTuber préféré. Alors sur le ouais. principe, y a, c'est pas trop problématique, mais j'ai l'impression que dans les gars qui sont invités, des fois ça a pas grand chose à voir avec le jeu vidéo. C'est on l'invite juste parce qu'il est suivi par du monde et ça va attirer du monde. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que là, j'ai vu, mais cette année, le salon s'est laissé complètement déborder, en fait. C'est-à-dire que, il y a carrément des grands noms maintenant qui sont, entre guillemets, interdits par Games Week, c'est-à-dire qu'ils sont plus invités par le salon parce qu'ils sont trop gros et ils créent des mouvements de foule tellement importants que les services de sécurité sont pas suffisants pour les garder. Il y a quelques années, des personnes comme Squeezie, Cyprien, etc. étaient invitées. Oui. Et maintenant, c'est plus possible parce qu'ils sont trop gros et la sécu est pas capable de gérer, en fait, autant de personnes, quoi. Et cette année, c'était Gotaga, donc figure de l'e-sport, etc. Généralement, quand on parle e-sport en France, on pense souvent à lui parce que c'est un peu la figure mainstream, quoi. C'est le, oui, le visage le plus populaire dans le paysage. Eh ben en fait, il était invité sur une ou deux journées et il a pu être présent, je crois que pendant 10 minutes, parce qu'il y avait beaucoup trop de monde et c'était ingérable, quoi. Et en fait, ça qui est compliqué, c'est que aujourd'hui, il y a des gens qui vont à la Paris Games Week non pas pour le côté Games Week, quoi, en gros pour découvrir des jeux, mais pour aller voir leur YouTuber préféré. Ouais, ça dilue beaucoup quand même. Hein. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que on se retrouve avec un public qui vient pour une personne et plus pour ce qu'est normalement l'essence du salon. Et forcément, ça crée vraiment des dysfonctionnements, des vrais problèmes d'orga, de sécurité et tout. Et c'est un peu la cata, quoi. Moi, c'est ça que je regrette un peu, c'est que les dernières années où j'y suis allé, et on n'était pas encore sur ces phénomènes de masse avec des youtubeurs, des streamers hyper hyper populaires comme aujourd'hui. Il y avait déjà ce côté un peu, pardonne-moi pour le mot, mais c'était le bordel, en fait. Et là, ça a l'air vraiment d'être compliqué, quoi. Ouais, bah de ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'en fait, la Paris Games Week, ça va devenir vraiment un événement en mode, comme tu disais, vitrine de Noël pour le grand public. Mmh. Alors, pourquoi pas, hein. Mais au-delà de ça, je vois mal, je pense qu'il y aura peut-être de moins en moins d'invités prestigieux, de créateurs ouais. de jeux, etc. Ça va devenir une sorte de magasin avant l'heure. C'est ce que ça donne comme impression. Du coup, est-ce vraiment un salon enfin c'est un salon forcément, mais c'est presque voilà une sorte d'enseigne qui propose de tester des jeux en avant-première. Mmh. Donc voilà, ouais, on sort un peu du salon classique. Moi, je suis quand même hyper partagé parce qu'il y a quand même des initiatives qui sont cool, tu vois, il y a tous les ans MO5 qui est l'association de conservation ouais. du patrimoine vidéoludique la plus connue d'Europe qui a toujours son stand et qui fait des trucs hyper chouettes. Il y a une zone aussi jeunesse qui est hyper cool, où il y a des personnes qui sont là pour expliquer aux parents pas mal de choses, avec des sélections de jeux pour les plus jeunes, etc. Où même les parents peuvent déposer leurs enfants, etc. Ils sont accompagnés par des animateurs, ils ont des jeux adaptés pour leur âge, etc. Et eux, pendant ce temps, peuvent aller sur des trucs plus matures. Ils peuvent aller tester, je sais pas, un Call of Duty, alors que c'est pas fait pour leurs gamins et tout. Enfin, voilà, ça, je trouve ça pas mal. Encore une fois, on retrouve le dimension grand public, évidemment. Ouais. Dimension familiale, quoi. Ouais. Mais, ouais, je sais plus trop comment me positionner. Des fois, je me dis, j'irai peut-être bien et tout, et finalement, j'y vais plus, quoi. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que je pense qu'à la base, c'était vraiment quelque chose qui était hyper chouette. Ils se sont peut-être laissés, je sais pas s'ils se sont laissés dépasser par le succès ou quelque chose comme ça, mais ça a quand même pris une ampleur qui est assez importante, quoi. Ouais, ouais, mais c'était une envie de leur part, hein. Ouais, possible aussi. Hein. C'est, tu vois, il y a des trucs qui sont pas mal. Quand Nintendo avait leur arène et organisait des tournois sur place, je sais que cette année, ils ont fait, je crois, les finales de leur championnat de France de Super Smash Bros, si je me trompe pas. Enfin, voilà, il y a plein d'initiatives qui sont cool. Ouais. Mais voilà, il y a un côté quasi effrayant, quoi, avec ce côté hyper massif et tout. Et encore, je trouve qu'il y a moins de scandales qu'il y a quelques années. À la grande époque, notamment, des Call of Duty, il y avait eu plein de scandales, je sais pas si tu te souviens. Ouais, j'ai un vox. C'était pas genre à la première édition de Paris Games Week, un truc comme ça. Non, il y avait un bazar. C'était genre la quatrième ou cinquième année, ouais, en gros, Activision avait annoncé qu'ils allaient avoir des collectors en édition limitée du truc, et du coup, t'as des mecs qui, avant l'heure, avaient escaladé les grilles. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Il y a même des vidéos qui avaient fait le buzz avec un mec que les gens appelaient Moïse parce qu'il avait une béquille ou un bâton, et genre, il séparait la foule avec et tout. Enfin, des trucs de, mais vraiment de dingue, quoi. Ouais. Moi, il y a une édition, je me souviens, où, pour tester Call of Duty, alors je sais plus lequel c'est, je me demande si c'était pas Black Ops 2 à l'époque, il y avait 8 heures de queue. 8 heures de queue, je te jure, c'était un truc de fou. C'est-à-dire que les mecs, ils payaient, je crois que c'était 12 euros l'entrée. Mm-hmm. Et en gros, leur journée était consacrée à faire la queue pendant 8 heures pour jouer 10 ou 15 minutes au prochain Call of Duty. Qui sortait genre 2 semaines plus tard. Ouais, même si c'est un mois, tu vois. Enfin, c'est un peu flippant. Ouais. Sachant que j'avais discuté avec un gars, il me disait, mais il y a une boutique Micromania qui est pas si loin que ça, où ils ont déjà reçu le truc et il y a une espèce de preview déjà, enfin tu peux déjà faire une séquence test qui est certainement la même qu'ici, quoi. Et t'as pas besoin de faire 8 heures de queue, quoi. Enfin, c'est... Voilà, là c'était un petit peu la séquence dédiée à Paris Games Week. Je sais pas si t'as des choses à rajouter sur ce salon. Ou... Non, en fait, mais, voilà, c'est peut-être ressenti, mais moi c'est pas du tout un salon qui m'intéresse. Ouais. Ne serait-ce que par mon passif pro, enfin ouais, dans le domaine, plus voilà, je mettais plus d'accent sur d'autres salons qu'on va parler, qui sont en Allemagne et donc aux États-Unis. Ok. Et aussi au Japon, mais bon, on en parlera. Ok, nickel. Bah du coup là, c'était intéressant quand même de parler d'Apa Games Week puisque ça rebondissait un petit peu sur l'actualité récente. Ouais. Et du coup, tu parlais d'Allemagne. Je suppose que t'as envie de parler un petit peu de la Gamescom. Oui, notamment la Gamescom que moi j'ai couvert pendant quelques années dans mon activité. Ouais. Bon, ça a jamais été un salon avec énormément d'annonces, mais il y avait toujours des petites choses intéressantes qui sortaient. Et puis voilà, au niveau journalistique, au mois d'août, généralement c'est un peu plus calme en termes d'actualité. Carrément. Et le fait d'avoir ce petit salon, ça a apporté quelques petites annonces. C'était pas forcément des nouveaux jeux qui étaient annoncés, mais c'était par exemple des nouveaux trailers de titres attendus, mais des trailers assez étendus souvent, des séances de gameplay plutôt pas mal avant que le jeu sorte, quelques mois avant que ça sorte. Pour ce côté-là, média, c'était intéressant. Et de mémoire, sur ce salon, alors là, c'est parce que tu parlais du côté presse, je crois qu'il y avait, il était un petit peu divisé avec une partie salon public et une partie salon média, quoi. Oui, oui. Ça aussi, c'est plutôt intéressant. Chose qui s'est perdue à l'E3, par exemple. Oui. Maintenant, il n'y a plus ça, c'est... Non. C'est vrai. Et tu vois, beaucoup critiquent un petit peu la Paris Games Week avec ce côté exubérant, on balance des goodies, etc. C'est le bordel. Et j'ai l'impression que l'E3, c'est en train de devenir un petit peu la même chose aux États-Unis. Alors, pour le moment, il a encore ce côté prestigieux du c'est un lieu où on fait des annonces, etc. On a d'ailleurs débattu là-dessus au mois de juin, au mois de juillet. Ouais. Mais effectivement, même ça, ça commence à se perdre puisque... voilà, chaque éditeur maintenant communique de son côté. Voilà. On fait exprès de faire leaker des infos en avance pour commencer à faire monter la hype, etc. Ubisoft. Et en fait, le salon devient une espèce de Paris Games Week, enfin une Los Angeles Games Week finalement. Et moi, ça m'inquiète. Enfin, m'inquiète. Je me questionne pas mal sur l'avenir de ces salons. C'est est-ce que ça restera des rendez-vous durant lesquels on aura des annonces, on pourra assister à des conférences. Et conférences, j'entends pas forcément conférences d'annonces, mais ça peut être sur d'autres sujets, parce qu'on a certains salons, on a des conférences autour des questions sur le jeu vidéo, sur les évolutions, etc. Ouais. Et est-ce que ça va pas juste se transformer en lieu où le grand public va pouvoir tester les jeux qu'ils achèteront dans les semaines, mois à venir? Enfin, voilà. Moi, c'est un peu ça mon interrogation, en fait. Moi, je pense qu'on va y aller parce que quand on voit que tous les constructeurs et éditeurs commencent à faire leurs propres événements. Ouais. En plus. Forcément, le 3 va se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue sous ce format-là, mais on aura beaucoup moins d'annonces? En tout cas, beaucoup moins d'effets de surprise. Mm-hmm. Et auquel cas, on aura peut-être moins de fréquentation. Ou alors, est-ce qu'on fait on ouvre vraiment le champ des possibles et on lance vraiment le truc au grand public pour attirer les foules? Moi, je pense qu'on vraiment, on tend vers ça, vers un côté Paris Games Week dans le principe, parce que les annonces ont déjà été faites en amont ou en parallèle avec les événements éditeurs et constructeurs. Moi, je vois clairement ça se dessiner parce que je me souviens, je reviens encore à mon passé journalistique, mais pour suivre les conférences E3 il y a encore quelques années, c'était un peu la croix et la bannière, les streams n'étaient pas aussi efficaces, ça coupait, etc. Donc il y avait des infos qui passaient un peu à la trappe. Donc il fallait mieux être présent sur place. Aujourd'hui, on peut avoir vraiment de l'accès à l'information en direct, de partout. Et c'est ça aussi qui a donné naissance à tous ces événements, micro-événements d'éditeurs et de ouais, consulteurs. Carrément. Ils disent, bon, pourquoi nous on ferait pas de notre côté et on gérerait nous-mêmes notre planning de diffusion? Plutôt que de se dire, je dois me contraindre à annoncer mes jeux, mes annonces pendant le 3. Ouais, sur un temps prédéfini, avec la possibilité de rencontrer des problèmes techniques, etc. Ouais, l'effet démo et compagnie. C'est aussi pour ça que Nintendo s'était retiré, c'est que ils ont jamais digéré la conférence Nintendo Land qui Tout le monde s'était foutu de leur gueule. Enfin. Oui, même avant, il y avait aussi l'effet démo de Zelda Skyward Sword. Miyamoto était bien mal à l'aise d'essayer de faire fonctionner son jeu et il paraissait complètement buggé parce qu'il était mal reconnu. Forcément, ça joue pas en sa faveur. Et du coup, juste pour ces raisons-là, en fait, aujourd'hui, les moyens techniques le permettant, chacun voudra communiquer de son côté, ou quitte à faire un événement, faire un truc vraiment pour les fans. C'est ce que fait Blizzard avec sa BlizzCon. Ouais. C'est ce que faisait à une époque Ankama aussi, où ils faisaient des conventions Ankama un petit peu partout dans la France et tout. Ils se déplaçaient, ils organisaient des trucs et tout. Enfin. La voilà. QuakeCon aussi, ouais. La quoi? La QuakeCon. La QuakeCon, celle-ci, je connais pas. C'est pour les fans de Quake? Non, mais c'est pour, je crois que si je me trompe pas, j'allais me dire une grosse connerie. Mais il me semble bien que c'est un événement dédié au jeu id Software. Ok. Ouais. Et à mon avis, tu vois, ça va peut-être un petit peu se développer, c'est-à-dire faire quelque chose pour les fans, avec tout ce côté communautaire, etc. Sachant que on en revient à ce qu'on disait il y a encore quelques temps, mais de plus en plus, les éditeurs essayent de fidéliser sur un jeu qui va durer plusieurs années. Ouais. Ah oui. La façon d'un League of Legends, d'un Fortnite, etc. Qu'est-ce qui... Un peu, en soi, la Coupe du Monde qu'a organisé Epic Games pour Fortnite, c'était quasi une convention Fortnite, parce qu'en fait, sur place, il y avait des stands, des attractions pour les enfants, enfin, il y avait plein de trucs. En fait, c'était pas juste une Coupe du Monde, c'est que c'était carrément une convention, un salon sur place. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça, peut-être que ça va se développer, et qu'on va perdre un petit peu ce côté annonce, exclusivité, apport de contenu et des choses comme ça. Ouais, puis aujourd'hui, on est vraiment habitué à avoir du contenu, de la nouveauté, des annonces de façon récurrente tout au long de l'année. Ouais. Parce qu'avant, il fallait attendre l'E3 pour avoir quasiment toutes les annonces. Ou alors, c'était par les magazines. Ouais. Donc forcément, avant, c'était très précis sur des périodes de l'année. Aujourd'hui, des infos, il y en a tous les jours. Et des pas des petites. Du coup, plutôt que se dire, bon, on va parler de la Paris Games Week, de la Gamescom, de l'E3, etc., est-ce que toi, aujourd'hui, t'as des événements, peu importe l'échelle, on n'est pas obligé de parler de trucs internationaux, qui te font vibrer, qui te tentent encore Ouais, moi aujourd'hui, c'est davantage des salons plus amateurs qui m'intéressent. Mm. Parce que là, on va voir des initiatives qui sont souvent originales, de par leur approche. Ça peut être tomber sur un projet de jeu vidéo amateur qui a beaucoup de potentiel, par exemple. Ouais. Et là, sur ces salons-là, ils vont avoir une visibilité qu'ils n'auraient évidemment pas sur un gros salon. Donc c'est vraiment ce genre de choses qui m'intéresse. Aujourd'hui, voilà, à vrai dire, bon, je suis plus dans le genre de jeux vidéo, mais même si j'y étais encore, couvrir des événements comme le 3, couvrir des événements comme le TGS, Tokyo Game Show, ou la Gamescom... Après, le Tokyo Game Show, c'est un petit peu différent, je pense, parce que où, globalement, on retrouve quasi la même chose, finalement, à la Paris Games Week, à l'E3 et à la Gamescom, le TGS a quand même la particularité d'être très orienté jeu japonais. Ah alors, oui. Effectivement, chez nous, c'est un peu niché, mais pour le mec qui kiffe ça, je pense que c'est le paradis, tu vois. Parce que là, il y a de l'annonce. Effectivement, c'est pas des choses qui parlent au grand public chez nous, mais... pour les mecs qui kiffent les licences ultra japonisantes, etc., il y a vraiment des choses. Je pense que ça reste un petit peu un salon à part. Enfin, oui, c'est clair. Mais de toute manière, ça s'adresse vraiment quasi exclusivement au public japonais. Enfin, moi, je connais pas grand monde en Europe qui suit vraiment assidûment le TGS. Quoi. Le TGS, j'ai cette impression qu'en fait, il y a plusieurs années, s'il y avait plus d'annonces, en même temps, c'était aussi une période pendant laquelle il y avait plus de présence de jeux japonais, je trouve, sur les consoles. Aujourd'hui, elle est présente à nouveau, elle revient un peu sur le devant de la scène, mais effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu plus... c'est moins... je sais pas comment dire. C'est moins massif, en fait. Ouais. Et de toute manière, même les jeux japonais qui, aujourd'hui, sont vraiment sur le devant de la scène, c'est des acteurs historiques qui maîtrisent complètement la com, etc. Ouais. Enfin, notamment, on a eu... c'était l'année dernière, on a eu une année incroyable en jeu japonais. Non, c'était il y a deux ans. Ouais, bah c'était pas avec Nier Automata et compagnie. Ouais, Nier Automata, Persona Zelda, 5. Persona, enfin voilà, c'est ouais, y a, c'est vrai qu'il y a un vrai retour du jeu japonais, je trouve. Il y avait eu du bon cru, vraiment qualitatif, quoi. Cette année, moi, je trouve que ça a encore été une année très Nintendo, où, globalement, il y a eu des belles sorties, même si elles n'ont pas été nombreuses, globalement, tout ce qui est sorti, ça a été chouette, tu vois. Oui. Entre le remake Zelda, Luigi Mansion, il y a Mario Tennis qui a bien marché cette année aussi. Enfin, globalement, ça a été une belle année, je trouve. Ouais, moi j'ai pas beaucoup joué sur console Nintendo cette année. Ouais. C'est des jeux que j'ai pris évidemment, mais j'ai pas encore pris le temps de jouer. Mm. J'étais plus présent sur d'autres licences en fait. Ouais. Je trouvais que c'était assez riche, notamment en... bon, on s'écarte un peu du sujet, mais c'était assez riche en RPG, RPG occidentaux. Il y a des titres plutôt intéressants qui sont arrivés. Voilà, après ça dépend des goûts, mais voilà. Pour dire pour la partie jeu japonais. Là, cette année, j'ai suivi le TGS un peu en ligne droite. Ouais. Il n'y a pas eu grand-chose en termes d'annonces qui m'ont marqué. Okay. J'ai vu des vidéos de youtubeurs et de journalistes sur place, là-bas. Alors, c'était impressionnant, hein. J'ai vu un énorme stand Yakuza. Ouais. Comme toujours, là-bas. Chose qui est quasi inimaginable chez nous, quoi. Bah ouais, parce que Yakuza, ça rayonne assez peu ici. Ouais, bah c'est plutôt niché chez nous, quoi. Bah déjà, le hic, souvent les jeux sont même pas traduits en français, donc déjà, ça, il y a plein de gens qui ne prennent pas pour ces raisons. Mm. Mais au Japon, c'est une institution, quoi. Ouais, carrément. Yakuza, le stand était fou, quoi. Ouais. Il y avait des hôtesses de partout, il y avait des écrans de partout, le stand en lui-même était très grand. C'était assez impressionnant. Donc, voilà, ça joue, on voit que c'est vraiment centré sur les joueurs japonais, avant tout. Bah, forcément. Et du coup, juste avant, je t'ai peut-être un petit peu coupé, tu parlais de salons peut-être plus modestes, amateurs, etc. Ouais. T'en as certains qui te viennent à l'esprit ou? Là, non, en fait, c'est vraiment des initiatives, c'est vraiment localement, je regardais un petit peu ça. Moi, directement, ça m'a fait penser au Stunfest. Ah, le Stunfest. Nous, dans notre région, une institution, quoi. Ouais. C'est certainement même le plus gros salon en Bretagne. Il y en a un à Nantes aussi qui marche assez bien, je sais plus, ouais. C'est le... c'est pas Art2Play ou un truc Art2Play, genre. C'est ouais. Ça, ouais. Effectivement. Alors moi, c'est des salons sur lesquels je suis pas vraiment allé encore, ouais. Mais je suis, je vois un petit peu comment ça se passe. Moi, je peux te partager mon expérience, parce que j'ai fait le Stunfest deux ou trois fois, si je me trompe pas. Ouais. Et effectivement, moi, c'est pas mal ma cam, en fait, hyper intéressant. Déjà parce que les propositions sur place, ça correspond plutôt à mon profil de joueur, c'est-à-dire que il y a pas mal de rétro, il y a pas mal de jeux indépendants aussi, ouais. Et notamment le Stunfest développe pas mal ça. L'année où j'y étais allé, il y avait vraiment tout un étage dédié aux jeux vidéo indépendants, et t'avais que des petits indés qui étaient là et qui te faisaient tester leurs jeux, qui t'expliquaient ce que c'était. Hyper facile. Moi, j'avais fait quelques interviews, hyper accessible. T'as pas besoin d'attendre 2 heures et tout. Le nombre de places est limité en fait pour le Stunfest. Ah oui. Donc ça joue aussi. Et il y a une vraie proposition derrière, c'est-à-dire que, alors moi, je suis pas un gros passionné de tournois de versus fighting, etc. Mais il y a aussi tout cet axe-là, notamment sur la scène principale où toute la journée c'est du speedrun, du versus fighting, etc. Avec des tournois. Et donc les gens sont vraiment au taquet, ils suivent tous les tournois, enfin vraiment à fond. T'as une partie exposition où t'as des mecs qui te présentent des vieux ordi des années 70, 80 et tout, enfin, c'est complètement dingue. La partie rétro est hyper chouette, où c'est surtout des associations qui sont là, qui te présentent à la fois des trucs que tout le monde connaît, donc t'auras forcément toujours tes GameCube pour jouer à Mario Kart, etc. Mais t'as aussi de l'arcade, j'avais testé de la Vectrex, enfin des choses comme ça, ouais, donc ouais. C'est hyper cool. Et vraiment, chaque espace est plutôt bien pensé, il n'y a pas trop de monde. C'est hyper humain, comme il y a beaucoup d'associations qui sont présentes. Et vu que c'est pas des professionnels, donc ils sont pas là pour te vendre quelque chose, ils sont juste là pour partager et tout. Donc tu peux discuter avec les gens, oui. Passer un bon moment, voire même te faire des contacts et tout, rejoindre des assos. Enfin, c'est vraiment chouette. Moi, c'est un salon que j'avais beaucoup aimé quand j'y étais allé. Le soir, de temps en temps, il y a des concerts. Et je crois que en amont du salon, ils organisent généralement des cycles de conférences sur plein de sujets autour du jeu vidéo. Un petit peu comme les débats qu'on a, mais sauf que c'est plus sous forme de conférence et devant un public. Mais table ronde un peu, quoi. Ouais, alors il y a de la table ronde et il y a aussi vraiment de la conf. Okay. Donc ça, moi, je trouve ça pas mal. Il y a vraiment une vraie plus-value. Ça vaut le coup de payer son billet parce que t'es dépaysé, etc. C'est voilà, il y a un côté hyper humain que je trouve super intéressant, quoi. Ouais, du coup, c'est un petit peu un complément des gros salons. Ouais, clairement. Sur les jeux récents qui vont venir. Et là, on parle sur un côté échange, sur ce qui est déjà existant. Et toutes les missions qu'on peut aller autour. Parce que finalement, je pense que tout joueur de jeux vidéo régulier a envie d'échanger avec d'autres joueurs, etc. Ouais, carrément. Mais en fait, ça qui est intéressant, c'est que, clairement, on n'a pas exactement le même public, à la fois côté organisateur et côté fréquentation. Alors, je dis pas que quelqu'un qui va à la Paris Games Week ne va pas sur des salons comme le Stunfest ou autre, mais il y a quand même... on peut s'intéresser aux deux, mais il y a aussi toute une partie du public qui s'intéresse soit à l'un, soit à l'autre. Bien sûr. Comme tu disais, toi, la Paris Games Week t'intéresse pas? Non, pas plus que ça. Et pourtant, je pense que tu serais partant pour te faire un Stunfest, quoi. Oui, davantage. Et inversement, il y a des gens qui sont très fans de la Paris Games Week. Je pense notamment, ben voilà, ceux qui sont en attente vraiment des gros jeux, qui viennent à la Paris Games Week pour tester en avant-première le nouveau FIFA, pour tester le nouveau Call of Duty, pour tester voilà les gros blockbusters, etc. Et qui sont pas du tout à la recherche de découvrir des petits jeux méconnus des années 80-90, qui s'intéressent pas forcément au tournoi de versus fighting, etc. C'est ça qui est intéressant, c'est que comme tu disais, c'est vraiment complémentaire. Ouais, puis il y en a pour les joueurs par exemple qui jouent à du FIFA ou du Call of Duty, c'est peut-être des joueurs plus occasionnels, ouais. Des joueurs en tout cas. S'ils sont pas occasionnels, ils sont en tout cas centrés sur certaines licences. Ouais, ils jouent beaucoup, mais généralement au même jeu, quoi. Ouais. C'est effectivement ça. Bah moi, j'en vois tous les jours à la médiathèque des jeunes qui, quand je leur parle de jeux vidéo, c'est souvent ces noms qui ressortent, c'est Call of Duty, Fortnite, FIFA. Alors on n'est pas du tout en train de dire que ça vaut plus ou moins. Non, bien sûr. C'est juste des questions d'affinité et de goût. Mais effectivement, c'est peut-être pas ce public-là qu'on va croiser sur un Stunfest ou équivalent, quoi. Mais ce que je trouve chouette avec des salons comme le Stunfest, c'est qu'il y a quand même un côté, et là, on peut le mettre quand même en parallèle avec la Paris Games Week, ce côté familial. Il y en a aussi qui vont au Stunfest, c'est un peu la sortie familiale, comme on va en famille à la Paris Games Week. Ouais. Et moi, j'aime bien ce côté-là où t'as les parents, les enfants, etc. Mais je pense que même en famille, tu vas peut-être plus t'y retrouver sur un Stunfest, parce que, bah même les parents qui jouent peut-être plus trop aux jeux vidéo et qui accompagnent leurs enfants, bah peut-être que eux ils vont se laisser tenter par une partie d'un jeu auquel ils jouaient quand ils étaient plus jeunes. Et les enfants auront quand même le plaisir d'aller voir certains streamers sur scène, parce que forcément il y a toujours quelques noms du domaine du jeu vidéo qui sont au Stunfest, hein. Alors je sais pas s'ils y étaient cette année, mais moi quand j'y étais allé, il y avait les gars qui animaient l'émission sur le speedrun. Comment il s'appelle? Ah, c'est pas Cœur de Vandale, là? Ouais, ça doit être ça, ouais. C'est ça? C'est ça. Et le pote du Zul, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, ouais. Tu vois de qui je parle? Oui, il a sa casquette. Ouais, c'est ça. Il a toujours une casquette. Ouais, ouais, ouais. Ah, je l'aurais pu. Mais on voit tous les deux de qui je parle, quoi. C'est sur Nesblog. C'était sur le site. Exactement. Nesblog. Voilà. Bah, de toute manière, je trouve que, alors que pourtant, les gars du Nesblog ont rien à voir avec le Stunfest, mais il y a quasi cet esprit-là, tu vois. Ce côté, c'est les thématiques qu'on retrouvait dans le NES Blog, quoi, les jeux rétro, le speedrun, le versus fighting, enfin toutes ces choses-là. Mm-hmm. Moi j'aime bien. Et le soir, je t'ai dit, il y a des concerts. C'est plutôt bonne ambiance. Tout complet, cool. Ouais. Ouais. Mais c'est un salon qui a quand même bonne réputation. Ouais. Parce qu'il propose, et puis aussi parce que c'est un salon qui marche dans le temps. Moi, le Stunfest, ça fait bien des années que j'entends parler de ça. Ils sont à plus d'une dizaine d'éditions. Ouais, hein. Ouais, je suis pas étonné. Je sais qu'ils ont rencontré des difficultés il y a un an ou deux. Ok. De financement, de subvention, peut-être. Je sais pas ce que c'était, mais je crois qu'ils parlaient éventuellement de faire une pause d'une année. Ah ouais, ça. Après, eux, ils ont une autre difficulté. Alors, ce qui est cool, c'est qu'ils sont soutenus par la mairie de Rennes, etc. Oui. Parce que quand j'étais allé, j'avais été invité au discours de lancement, etc. Il y avait, je crois, le maire, l'élu à la culture qui était passé pour se féliciter de cette réussite. Là, par exemple, en 2019, c'était la 15e édition du festival, tu vois. Du coup, quand même. Hein. Ouais. Et moi, c'est ça que j'aime bien avec ce festival de jeux vidéo, parce que Des festivals amateurs, il y en a vraiment de plus en plus, mais la particularité, je trouve, de celui-ci, c'est vraiment d'apporter une plus-value, quoi. Quelque chose qu'on va pas trouver ailleurs. Parce que, Moi, je regrette un peu que pas mal de petits salons qui essayent de s'installer à droite à gauche essayent de faire des espèces de copies de la Paris Games Week. Mais c'est rarement concluant parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens et le soutien de pas avoir la Paris Games Week. Et arriver avec des propositions de conférences, de faire venir des assos et tout, moi, je trouve ça plutôt cool, quoi. C'est vraiment sympa. Oui, et puis voilà, ça apporte aussi une meilleure ambiance, en fait. Ouais. En général, ça fait un peu une ambiance de passionné. Mm. Je pense que ça correspond un peu à tout le monde qui aime le jeu vidéo. Et d'ailleurs, là, tu parles de passionné, ça me fait penser... Alors, je suis jamais allé à cette convention, mais je sais que nous, en off, on en a déjà discuté, parce que on avait vu une vidéo de Wawa, je crois, là-dessus. C'est une espèce de convention sur 2 jours en région parisienne. Ouais, ouais. Les gens peuvent même dormir sur place. Oui. Et alors là, c'est complètement rétro, si je me trompe pas. C'est que rétro. Et vraiment, c'est que des passionnés qui viennent avec des pièces. Et oui, il y a une partie achat-vente. Ouais. Ah, mais quand je disais des pièces, c'est-à-dire des mecs qui te font des stands uniquement dédiés à une licence. Mais oui, c'est bon, je l'ai. Ils apportent tous leurs produits. Enfin, les collectionneurs de licences particulières amènent tous leurs produits. Par exemple, j'avais vu des collectionneurs de Castlevania, par exemple, qui avaient tous les jeux, plein d'éditions, etc. Donc, c'est extrêmement intéressant pour ceux qui s'intéressent à telle ou telle licence. De voir qu'est-ce qui existe. Ah ouais, il y a ça qui est jamais sorti ailleurs que au Japon, par exemple. C'est très très bien. Je sais plus le nom du salon. C'est pas le Pixel quelque chose. Je sais plus. Ouais, Il faudrait aller sur sa chaîne YouTube. Mais je trouvais le concept pas mal. Ils ont fait pareil aussi. Après, c'est limité à très peu de personnes. Je crois que c'est 300 personnes sur le feu. Ouais. C'est sur inscription à l'avance, etc. Il y a G et C dans le titre. Ouais, parce que j'avais pensé à Gamers Assembly, mais c'est pas ça. Non, c'est autre chose. Et je vois tout à fait le logo, c'est un logo orange avec une console et une manette, là. Mmh. Ouais, mais j'aurais pas le nom. Ouais, j'ai pas le nom non plus. Wawa. Alors après, t'as aussi un salon qui commence à bien marcher aussi en Belgique. Alors pareil, j'ai plus le nom de tête, mais c'est un excellent salon pour ceux qui sont collectionneurs rétro gaming, par exemple. Parce que c'est la RGC. Ah, la RGC. Voilà, c'est ça. Et c'est pas loin de Paris, ouais. Ouais, généralement, c'est à côté de Paris, c'est genre dans un gymnase et tout, ça dure 2 jours, quoi. Ouais. Il y en a un autre aussi auquel il était allé, je me souviens, il y avait un gars qui avait une collection incroyable de Master System. Mais c'est pas celui que je dis de Belgique, peut-être? Possible. En fait, moi, je trouve ça cool, il y a plein de trucs qui commencent à fleurir à droite, à gauche, des petites initiatives, associatives ou non, qui, créent chacun un peu leur convention avec chacune une identité, un truc qui sort du lot. T'as celle qui va être plutôt rétro, celle qui va être plutôt versus fighting, celle qui va être plutôt ceci, plutôt cela. Enfin, je trouve ça pas mal. Ouais. Seule chose que je regrette, c'est que il y en a assez peu qui se positionnent sur du jeu peut-être plus actuel, mais en gardant cet esprit, tu vois. Ce côté, on fait une convention un peu orientée, passionnée, etc. Avec du fond, du contenu, mais aussi des propositions peut-être un peu plus dans l'air du temps pour peut-être justement séduire un public qui va pas se déplacer pour des jeux vidéo rétro ou qui va pas se déplacer pour de l'e-sport, tu vois. Ouais, après faut voir, c'est peut-être une question de moyens, parce que les assos pour convaincre des constructeurs ou des éditeurs de couvrir un événement. Ouais. Il faut déjà que l'événement soit touche assez de monde pour qu'ils puissent te dire ok, on investit, on amène de la PLV, on amène du jeu. Non, mais tu peux faire de l'actuel. Quand je dis actuel, tu vois, c'est des trucs peut-être un peu plus récents, mais je pense qu'il y a moyen de se détacher aussi de la présence d'éditeurs et faire des propositions qui sont sympas, tu vois. Ouais, ben après faut avoir des moyens aussi. Ouais, c'est clair. Puis après, si on parle de jeux récents mais qui sont tout récents, donc tout le monde est équipé chez soi. Ouais. S'il y a pas une émulsion autour de la licence, par exemple. On peut faire une proposition, tu vois, organiser un tournoi ou quelque chose comme ça. Enfin, ouais, un tournoi, par exemple, ouais. C'est... Les tournois, ça marche assez bien. Ouais, carrément. Sur des licences sur lesquelles il y a pas mal de joueurs, ça peut attirer du monde. Nous, de notre côté, on avait eu l'occasion de co-organiser des choses un peu sous forme de tournoi. Je pense là au 3DS spécial Monster Hunter qui avait plutôt bien marché. À l'époque. Ouais, on a vu un petit groupe. Ça, c'est assez cool. Quand on avait fait un tournoi Mario Kart aussi sur Switch, là, sur écran géant, c'était plutôt sympa. Ouais. Mais je trouve ça vraiment chouette qu'en ce moment, il y a un truc qui se passe, qu'un petit peu dans toutes les villes, il y a des choses qui commencent à naître. Alors, je dis pas que tout est vraiment forcément parfait. Après, c'est pas forcément ça qu'on attend. Mais chacune a quasi son identité. Je trouve que c'est ce qui fait aujourd'hui la force des salons, des conventions, des festivals. C'est que chacun arrive un peu avec sa touche. Nous, on connaît, je pense, maintenant plutôt bien ce qui se passe en Bretagne, vu qu'on est localisé en Bretagne. Typiquement, si tu vas à ce qui se passe à Brest, à Pontivy, ouais. À Rennes avec le Stunfest, ou même à d'autres choses qui sont un peu plus modestes, oui. Bah, clairement, on n'est pas du tout sur la même proposition, quoi. Non, clairement pas. Et à ton avis, est-ce que tu penses que ça va continuer à se développer, ou est-ce qu'à un moment on va arriver à, je sais pas, une saturation, il y aura peut-être trop de choses, je sais pas, Alors, moi, mon avis à ce sujet, il est assez clair, c'est que tu reviens quelques années en arrière, les événements, entre guillemets, geek, jeux vidéo, il y avait pas la même image qu'on a aujourd'hui. Ouais. Disons que c'était beaucoup plus, il y a déjà moins de moyens pour les assos, je trouve. Et puis, parce que déjà, pour trouver une salle, etc., c'était pas forcément évident. On nous allouait pas une salle facilement. Parce ouais. qu'en disant, bon, allez, c'est un truc de barbu, ou un truc d'adolescent, ou je ne sais quoi. Du coup, on avait un peu mauvaise image. Et je trouve qu'aujourd'hui, le jeu vidéo s'installe davantage dans les mœurs des gens. Ouais, c'est presque porteur sur un territoire, voilà. quoi. Et de ce fait, ça sort de partout, comme tu dis, ça va dans différentes villes. Et je pense que ces initiatives-là vont continuer un peu à se multiplier. Et c'est très bien, même si c'est des micros événements un peu partout. Ouais, bah là, par exemple, alors là, on va rentrer dans le méga, méga local, mais il y a pas si longtemps, on m'a proposé d'aller à un événement. Alors, j'avais pas pu parce que j'étais pas dispo, mais c'était dans un tout petit bled. Alors, toi, ça te dira, je crois que c'était à Clouard-Fouesnant ou à... Ça me dit rien, moi. Non, mais tu connais la ville. Oui, oui, oui. Et, c'est petit, hein. Et genre, c'était une LAN, et les mecs, ils se sont fait un kiff sur le nom de la LAN, ils l'ont appelé la Francis Lalanne. Ah, mais j'ai vu ça, je crois que c'était à Brest. Je crois que c'était à Clouard-Fouesnant, tu vois. Ouais, Francis Lalanne. Et, c'est beau. Et tu dis, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je trouve la trop cool, quoi. Et là, c'est chacun qui vient avec son PC sous le bras et tout. Oui. En plus, eux, ils sont à fond dans tout ce qui est libre. Donc, l'idée, c'est de faire des LAN, mais sous Linux ou des trucs dans le genre. Ah enfin, oui, oui, oui. Vraiment des trucs. Et voilà, chacun vraiment a son identité. Après, moi, je me questionne sur, là, en ce moment, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, de plus en plus qui se font. Tout le monde essaye de faire son truc. Sachant que pour certains, ça devient presque un business aussi. Ouais, ouais. Et je me questionne quand même sur l'avenir de ces conventions, parce que alors moi déjà, ce que je regrette, c'est que certaines deviennent presque un petit peu fourre-tout. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des conventions, on met sous l'étiquette geek maintenant tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir des trucs ensemble, mais des fois, enfin, moi, j'arrive pas à faire le lien entre. Pourtant, je suis hyper ouvert, tu vois. Culture geek, je pense autant lire du manga que mater des films, m'intéresser aux jeux de rôle, etc. Mais des fois, il y a vraiment des trucs qui sont curieux, quoi. T'as des exemples peut-être pour illustrer? Bah en gros, dès que ça a l'étiquette japonais, on te met ça dedans, alors que je vois pas en quoi c'est geek ou n'importe quoi. Dans la cuisine, un truc comme ça. Ouais, ou enfin des fois, on va te mettre genre des voitures japonaises. Bah ok, très bien. Pour moi, ça a plus sa place à un truc de loto, ouais. de loto que de oui, un salon de loto que à une convention geek, par exemple. Ouais, bien sûr. Ou sinon, si tu mets un truc geek, tu sais pas, tu fais venir une DeLorean ou ouais, par exemple, un truc qui a un sens, quoi. Ouais. Mais dans la même si c'est cool, il y a certainement un public pour ça. Mais est-ce que des fois, c'est pas un peu trop fourre-tout, tu vois? Ben en fait, ça montre peut-être un côté remplissage. Ouais, peut-être aussi, hein. Ou la peur de pas attirer suffisamment de personnes sur, si on s'y met pas ces bagnoles japonaises, par exemple. Alors que c'est une erreur. Hein. Moi, je suis assez fanat des trucs qui ont vraiment une identité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, par exemple, bah, les barbus qui font, leur Francis Lalanne. C'est peut-être pas ce qui, moi, va le plus me parler. Je pense que si j'ai l'occasion d'y aller, j'irai quand même, tu vois. Ouais. Mais je trouve qu'il y a une proposition derrière. Un Stunfest, il y a un truc derrière, quoi. C'est, rétro. Jeux indé, tournois, conférences, etc. Là, à Fouesnant, ils sont en train de faire un truc identité vraiment un peu japonaise, tu vois. Ok. Bah, on y a participé l'année dernière ou l'année d'avant. Bref, chacun fait un petit peu sa proposition. Ça, je trouve ça intéressant. Quand vraiment, tu vois, il y a une volonté de faire quelque chose, faire des propositions. Si c'est juste pour remplir une salle de geeks et juste mettre tout et rien, que ça n'ait pas de sens, qu'il n'y ait pas de proposition derrière, c'est ça que je trouve un petit peu dommage, en fait. Et ça, je trouve que ça fleurit de plus en plus. Ah ouais, tu trouves, ok. Ou moi qui suis, par exemple, très manga, tu vois, des fois, je vais à des conventions orientées manga, et en fait, t'as genre des stands, et pourtant, j'adore Star Wars, tu vois, mais ça n'a rien à voir. Si tu fais une convention sur le manga, avoir un stand de, je sais pas, Lego Star Wars, ça n'a pas de sens. Ouais. Et voilà, maintenant j'ai l'impression qu'on a tendance, ouais, à essayer de remplir les trucs, tout mélanger et tout, moi j'aime bien ce qui a une identité, en fait. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Après, est-ce que ces événements-là fourre-tout, comme tu dis, c'est pas genre des premières éditions en mode pilote, tu vois? Ouais, je sais pas. Ils ont fait un truc à la va-vite en disant, bon, on veut faire ça, et puis il y a peut-être des différentes personnes de l'organisation qui disent, bah, moi je veux vraiment ça. Ils ont fait ouais, mais tu vois, c'est même arrivé à des gros salons. Tu vois, moi, par exemple, autant la Paris Games Week, voilà, je suis moins fan que je l'ai été. Un festival que moi j'adore et j'essaie d'y aller tous les ans, c'est Japan Expo. Alors, je sais que beaucoup ont plein de critiques à faire sur Japan Expo, notamment sur le côté mercantile, etc. Le fait qu'il y ait plein de boutiques. D'un côté, c'est le plus gros salon d'Europe sur les cultures geek, on va dire. Ouais. Faut le financer, le truc. Ouais. Et en plus de ça, il y a un public qui est content de faire ça. Il y a plein de gens qui achètent pas de trucs sur Internet et ils sont contents en allant dans la convention de pouvoir acheter leurs figurines, acheter leurs katanas. Alors, par contre, moi, ce qui me dérange, c'est le fait que des fois, il y a des contrefaçons, des trucs... Ouais, ça, c'est... Ouais. Voilà, ça, c'est problématique. Problème. Mais il n'empêche que Japan Expo, tu vois, eh ben, t'as des concerts, t'as des conférences, t'as des ateliers de cuisine, t'as vraiment plein de trucs, tu vois. Des combats de sumo. C'est vraiment hyper intéressant. Et les gens qui disent, ouais, c'est ultra mercantile, t'as moyen de passer une journée complète à Japan Expo à faire que des trucs où tu vas apprendre, te divertir, etc. Ouais. Sans faire les boutiques. Moi, c'est pour ça que j'adore cette convention. Mais effectivement, il y a quelques années, c'était un peu parti en sucette, c'est-à-dire que le tout s'appelle Japan Expo, et t'avais, et pourtant je suis méga, méga fan, tu vois, mais t'avais un stand Doctor Who, t'avais un stand de Star Wars, t'avais un stand Lego. Ça s'appelle Japan Expo, ça s'appelle pas... T'avais des youtubeurs, moi je me souviens de la websérie Visiteur du Futur qui était présent là aussi, c'est pas japonais. Et pourtant, je kiffe le Visiteur du Futur, mais c'est pas japonais. Ouais. Ou au moins, si tu fais venir une websérie, prends un truc où tu peux faire le lien au moins avec la culture japonaise. Ouais. Tu vois, je trouve ça plus justifié d'avoir par exemple Nerds, où le scénario Nerd, c'est un geek qui est fan de jeux vidéo, etc. Et donc là, tu peux faire le lien, même si c'est un peu tiré par les cheveux. Ou t'as Ankama, effectivement c'est du jeu vidéo français, mais à grosse influence japonaise quand même, ne serait-ce que dans le dessin, etc. Là tu peux justifier le truc, mais avoir des stands Star Wars, Doctor Who, en gros tout ce que tu mettais sous l'étiquette geek était à Japan Expo et ça n'avait pas de sens. Alors ça, ils en sont un peu revenus et du coup ils ont créé d'un côté Japan Expo. Et ils ont créé la Comic-Con. La Comic-Con. Alors qu'à une époque, ils avaient même essayé de fusionner les deux ensemble. C'était Japan Expo et Comic-Con. C'était affreux, mais le bazar. Ouais. C'est l'édition que j'avais le moins aimée. Et du coup, maintenant, ils sont revenus sur un truc un peu plus Japan Expo, justement. Et franchement, hyper, hyper cool. Et même dans les éditeurs qui sont présents. Alors, t'as pas que l'éditeur japonais, mais il y a surtout de l'éditeur de jeux vidéo japonais. Et c'est pour ça que pour le jeu vidéo même, moi, je trouve que la Japan Expo, c'est plutôt pas mal. À chaque fois, t'as Square Enix qui a vraiment un super stand où tu peux tester les Final Fantasy, les trucs où ils te font des LAN, enfin des trucs incroyables. Nintendo tous les ans à Japan Expo, mais c'est la régalade. Et là-bas, on a pu à certaines années vraiment tester des jeux longtemps avant leur sortie, parce que Japan Expo c'est début juillet. Moi, je me souviens d'avoir testé à l'époque des Xenoblade avant quasi 5 mois avant leur sortie, Mario et Luigi sur 3DS, enfin vraiment des jeux assez longtemps avant leur sortie, c'était hyper cool. Je suis d'accord. Fut un temps, il y avait Sega aussi qui avait un stand qui était vraiment pas mal du tout à Japan Expo. Et là-dessus, t'as aussi des invités. Japan Expo, ils ont fait venir des Miyamoto, des Iwata. Alors là, c'est pour le monde du jeu vidéo, mais dans d'autres trucs. Je trouve vraiment. Moi, c'est, on va dire, en gros salon, pour moi, c'est de loin mon préféré. Et pourtant, j'ai quasi tout testé localement, on va dire, en gros salon en France. Et celui-ci est quand même à des années-lumière des autres en termes de proposition, quoi. Il y a vraiment la volonté de proposer quelque chose derrière, quoi. Il y a un reportage qui existe sur la préparation de Japan Expo. Alors, je sais plus si je l'ai maté, si c'était c'était sur la chaîne No Life qui avait ça. Okay. Je ne sais plus. Faudrait mettre la référence éventuellement, je sais pas. Mais en fait, c'est un reportage qui dure une bonne heure, qui explique qu'est-ce que l'équipe fait pendant un an en préparation de la Japan Expo. Ça doit être un taf monumental, quoi. Rien que pour inviter les groupes japonais, les groupes de musique. Ça doit être fou. C'est un truc de dingue. Et même les jours en question, c'est un travail acharné. Bah, notamment, ils font venir des mangaka, et certaines années, c'est pas des petits mangaka, tu vois. Ils ont fait venir des... Moi, j'ai rencontré Ken Akamatsu, par exemple, qui est le créateur de Lovina, tu vois. C'est quand même une référence dans le monde du manga. Lovina, ouais. Enfin, voilà, une année, il y a eu Clamp, quoi, qui c'est le créateur de Sakura Chasseuse de Cartes, de Shobits et tout, enfin. Ouais. Et elles sont quatre. Et en plus de ça, avec les Japonais, moi j'ai découvert ça quand j'ai commencé à travailler en médiathèque, parce que quand on travaillait en médiathèque, je me suis dit ça pourrait être intéressant de se mutualiser avec d'autres médiathèques et faire venir un mangaka et pourquoi pas qu'il se déplace dans plusieurs médiathèques et tout. Alors déjà, le coût que ça représente, c'est hallucinant. Et en plus de ça, en fait, quand tu fais venir un Japonais en France, il se déplace pour ta convention, mais il faut aussi lui préparer des visites, des trucs et tout. Et en fait, si tu le fais venir un jour, en fait, tu le fais venir 4 jours. Et quand il vient de Japan Expo, il faut lui prévoir la visite de la Tour Eiffel, les trucs dans le genre. C'est un truc de dingue. Ah ouais, d'accord. Ça doit être une organisation qui est hallucinante, ça doit prendre un temps fou et tout. Ça prend, pour la Japan Expo, dans le reportage, ce qu'il disait, ça prend un an. Ouais. Et on voit bien que le travail, enfin, il y a jamais de stop en fait, ils sont tout le temps sur les trucs. Hein. Et c'est pour ça que moi je défends beaucoup ce festival malgré les défauts. Tu vois, il y a des défauts. Je trouve que comment tout festival, ils sont pas assez sévères vis-à-vis des. Notamment, il y a plein de boutiques italiennes et tout qui viennent et qui te vendent des fausses figurines. Ouais, du flan. Ouais. Il y a vraiment des trucs qui craignent. Après, contrôler ça doit être hyper compliqué aussi. Tu vois. Oui. Comment tu peux savoir à l'avance que le mec il va te vendre des fausses figurines? Ouais. Ça c'est compliqué. Mais je suis prêt à leur pardonner plein de choses parce qu'à côté, il y a une telle proposition. Moi, j'ai assisté à des conférences qui étaient incroyables, d'illustrateurs qui t'expliquent le travail qu'ils font, des tables rondes hyper intéressantes et tout. Et tu peux voir des choses là-bas que tu ne verras que là-bas, tu vois. Bien sûr, nulle part ailleurs. Quand j'ai fait la masterclass de Miyamoto, je savais que ce serait peut-être la seule fois de ma vie que je le verrais, tu vois. Et du coup, j'étais obligé d'y être. Et des fois, des surprises. Genre, une année, je suis à Japan Expo, je reçois c'était annoncé, mais nulle part, quoi. Nintendo a pas communiqué dessus et tout. Je reçois un SMS à l'époque, c'est un pote qui reçoit un SMS d'un ami à lui qui est, community manager pour, je crois qu'à l'époque c'était pour Sega ou un truc dans le genre, ou un éditeur de manga, quoi. Et qui lui dit, il y a Iwata qui a été aperçu dans les couloirs de Japan Expo, quoi. Iwata, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancien président de Nintendo. Le fameux mème avec la banane. Ouais. Décédé il y a 2 ans, je crois, maintenant. Ouais, le temps passe vite. Ça fait même peut-être plus que ça. Ouais, c'est peut-être maintenant plus que j'y pense, ça fait peut-être plus que ça. Enfin, c'est quand même un truc de dingue. Un dirigeant geek dans l'âme, en tout cas, ce gars-là. C'est quand même un truc de fou. Oui, c'est ça. C'est, et il y a que là-bas. Et en fait, quand tu discutes dans les milieux, pop culture un peu japonais, Japan Expo est connu au Japon, en fait. Oui, oui, c'est vrai. C'est, les éditeurs de manga, les éditeurs de jeux vidéo, etc. connaissent Japan Expo, c'est une vraie référence. Et moi, je trouve ça quand même incroyable, quoi. Parce qu'en termes de fréquentation, la Paris Games Week n'est pas si éloignée que ça de Japan Expo, et pourtant, on ne nous envoie pas un Miyamoto ou un Iwata à la Paris Games Week. Ouais, après, et ça en dit long, quand même, je trouve. C'est vrai. Après, ce qui pèse aussi dans la balance, c'est l'ancienneté du salon. Japan Expo, ça fait les quoi ? Enfin, maintenant, la Paris Games Week, ça a quand même un certain nombre d'années. Je pense surtout que... 10 ans, en tout cas, c'est. Hein. Ça en dit long sur l'esprit de la chose. C'est-à-dire qu'on se dit que l'objectif de l'éditeur, quand il est présent... Alors, je dis pas que quand il est présent à Japan Expo, l'objectif, c'est pas de vendre des jeux. Évidemment, c'est que derrière, ça se retranscrive par des ventes. Mais je pense qu'il y a quand même la volonté d'apporter quelque chose en plus, tu vois. Miyamoto, quand il est venu, il a parlé il y avait aussi le créateur de Splatoon, ils avaient discuté du processus de création de Splatoon, de Mario Maker, etc. On avait eu des vidéos exclusives où on voyait comment ils avaient développé le jeu et tout. Enfin, c'était quasi une conférence, en fait. T'apprenais des choses, quoi. Mm-hmm. Enfin, moi, je trouve ça exceptionnel. Ouais, c'est clair. Alors là, on est sur des niveaux de personnalité qui sont incroyables, mais... Je trouve que de plus en plus, il y a aussi des petits salons qui font ça. Je crois que la RGC, une année, ils ont invité genre le créateur de Tetris, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et en fait, c'est un mec qui est pas si demandé que ça en vérité. Oui. Alors que le gars, c'est une référence dans le monde du jeu vidéo, quoi. Bien sûr. Et il est pas aussi populaire que bien d'autres, quoi. Et en fait, c'est ça que je trouve cool, c'est vraiment tous ces festivals, ces salons, ces conventions qui ont une programmation qui accompagne l'espace où les gens vont se balader et qui a un vrai lien, en fait, avec la culture en question. C'est-à-dire que tu fais un truc culture jab, tu fais des conférences sur n'importe quoi, la cérémonie du thé. Oui, bien sûr. Enfin, j'en sais rien. T'es en liaison avec la thématique. Et sur le jeu vidéo, pourquoi pas sur l'histoire du jeu vidéo ou sur, comment restaurer une borne. Enfin, j'en sais rien. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais moi, ça me fascine, en fait, tout ça. Et là-dessus, je suis plutôt enthousiaste. Par contre, l'autre chose qui m'inquiète, c'est, avec le dématérialisé, est-ce que ça va pas être de plus en plus compliqué aussi de créer des rendez-vous comme ça? Je sais pas. On peut pas trop le dire aujourd'hui parce que on connaît pas encore la tendance, comment elle s'est dessinée. Ouais. Même si on perçoit bien que on va vers le démat, on a déjà parlé par le passé. Tu vois, c'est compliqué. Imagine à l'avenir vraiment. Bon, pour le moment, ça a pas l'air d'être parti comme ça, mais allez, on est dans 5 ans et tout le monde est sur Stadia, tu vois. Comment t'organises un salon? Qu'est-ce que tu mets sur place? Il y en a plus. S'il n'y a plus que ça. Ou sinon, t'es obligé de faire... Après, moi, je kiffe, tu vois, mais tout le monde n'est pas dans ce délire-là. T'es obligé de proposer un truc, un salon rétro ou un truc dans le genre. Oui, t'es forcé de repartir en arrière, c'est sûr. C'est sûr. Et là-dessus, moi, ça m'inquiète un peu, tu vois, parce que... Moi, j'aime sur certains salons avoir l'occasion de tester des trucs, que des associations me proposent de tester telle ou telle chose qui est sortie. Même des fois, si c'est déjà sorti, tu vois, je l'ai peut-être pas chez moi et ça va peut-être me convaincre derrière d'aller l'acheter ou de l'emprunter à la médiathèque, tu vois. Et ça, moi, ça m'inquiète un peu. Tu vois, c'est... Je sais pas. Je sais pas trop comment me positionner là-dessus. Moi, je suis orienté parce que je déteste le dématérialisé. C'est viscéral, je n'aime pas ça. Il y a même plein de jeux que j'apprécierais jouer, notamment en indé. Allez, vas-y, balance un titre. Que j'aimerais jouer? Ouais, et que t'as pas... Un truc qui te démange, que t'as trop envie de faire. Céleste. Céleste. Alors, je vais pas faire de la lèche, hein, mais c'est juste que j'ai regardé des vidéos. Je crois que sur Switch, ils l'ont édité en physique, non? S'il est sorti, je le prends. Franchement, je check ça, mais je prends. Hein. Et je me demande s'ils ont pas prévu de le faire sur PS4 aussi. Hein. Je le prendrais sur Switch, plutôt les jeux 2D, j'ai mal les prendre sur Switch. Mais voilà, il y a plein de jeux comme ça, même, vraiment, je me redresse une liste, mais il y a plein de jeux indépendants, je ne les prends pas, parce que je n'aime pas le démat, ça me saoule. Mm. J'aimerais bien, limite, qu'ils fassent des éditions physiques avec une compilation de certains jeux indépendants, tu vois, un florilège, je sais pas, de 10-15 jeux, même si j'aime pas tout, mais il y aura mes jeux sous ma version physique. Je suis en train de regarder Céleste... Et je m'en fiche si je paye plus cher. Je le vois pas, mais je sais pas pourquoi j'ai la sensation d'avoir vu ça passer. Après, j'en ai peut-être rêvé une nuit, qui sait. Mais j'ai l'impression d'avoir vu passer ça quelque part. Est-ce que c'était une annonce ou est-ce que... Une rumeur ou un débat. Je sais pas. Ou ouais. Ça se trouve, c'est juste un mec qui s'est amusé à faire un mock-up. À faire un mock-up, ouais, qu'il a partagé sur Twitter. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir vu ça. D'accord. Mais bon, voilà, pour te dire, moi, du coup... c'est une peur que j'avais presque, en fait, de voir que tout vers le dématérialisé. J'ai vu qu'il y avait une Xbox One full démat qui est sortie il y a pas si longtemps, je crois. J'ai fait, ouais, j'espère que ça va pas être une tendance. D'un côté, ça existait même déjà il y a presque 10 ans parce que il y avait une version de PSP full démat. Hein. La PSP Go. La PSP Go, c'est ça. Ouais, la PSP Go poubelle parce qu'en fait, plus personne n'en veut maintenant de ça. Bah ouais, bien sûr. Après, en la détournant, évidemment, et c'était vendu dans les magasins de téléphones mobiles, hein. Ouais. C'était chelou comme matériel. Mais d'un côté, là, on est en train de changer de sujet, mais. Ouais. À une époque, la PS Vita, tu pouvais mettre une puce 3G dedans. Et je crois que Orange vendait un forfait PS Vita, tu vois. C'est bien probable, ouais. C'est fou, quand même. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Ouais, ouais. Mais comme quoi, en soi, c'est des essais ratés, mais... Ils tentent. C'était déjà annonciateur de ce vers quoi on tendait. Et ouais. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu la norme, en fait. Ouais. Parce que moi, je regarde autour de moi, tu vois, j'ai de la famille et autour de moi, j'ai des gens qui jouent aux jeux vidéo, mais sans pour autant être, tu vois, des passionnés à fond qui vont se documenter sur l'histoire, etc. Eux, ce qu'ils veulent juste, c'est jouer au jeu quand le jeu vient de sortir. Ouais. Et du coup, là, par exemple, mon cousin, il s'est acheté le nouveau Star Wars. Des maths. Ouais, il l'a pris direct sur l'Epic Game Store, tu vois. Ah ouais. Mais tu vois, c'est aussi le côté, tu vois, le côté un peu Netflix, quoi. Ouais, bah, il s'est dit, tiens, j'ai trop envie d'y jouer et tout, et paf, il l'a acheté. Et, Tu vois, moi, je vois toujours dans le côté empirique, je me dis, imagine dans 10 ans, tu veux jouer à ton Star Wars Fallen Order, et qu'il n'y a plus le jeu sur la plateforme où t'as acheté. Tu dis quoi, je dois le racheter ailleurs, est-ce qu'il y a encore une plateforme qui le vend? Bien sûr, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de bonne réponse pour le moment. Pour le moment, ouais. On peut qu'être spectateur. Enfin, non, on peut continuer à acheter du physique, etc. Il n'empêche qu'il y a quand même une grosse tendance, ça va dans cette direction. La réalité, c'est que nous, on est niche. Plus le temps avance, plus on est niche, parce que même parmi des gens qui sont convaincus par le physique, bah, y en a de plus en plus qui se laissent tenter par le numérique, parce que bah, ouais. C'est dans cette direction que ça va. Je prends même mon exemple pour le ciné, tu vois. Pendant longtemps, c'était une évidence que j'achète le DVD, le Blu-ray, parce que j'adore le ciné. Et maintenant, bah, la réalité, c'est que j'en achète quasi plus. Ouais, moi, c'est pareil. Netflix et... Ouais. Et voilà. Et donc, même nous qui sommes peut-être historiquement pas très partisans du tout numérique, si même nous, on commence à se laisser avoir, ça veut dire que ceux qui ne se sont jamais posé la question, ça fait bien longtemps que... qui sont tombés là-dedans, quoi. Ouais, c'est clair. C'est... Moi, mon entre-deux, ce serait, par exemple, comme propose la plateforme GOG, c'est que, ok, c'est des maths. Mais sans DRM. Voilà. Et donc, du coup, t'as tes fichiers localement. Si tu dis, demain, enfin, il n'y a plus GOG, mon jeu, je l'ai toujours sur un disque dur, par exemple. Ouais, bien sûr. C'est ma solution d'appoint qui me permettrait de dire, ok. Moi, tu vois, là, moi, actuellement, là, par exemple, toutes les semaines, je récupère le jeu les jeux qui sont offerts gratuitement sur l'Epic Game Store, et la plupart sont sans DRM. Ouais. Et quand je dis la plupart, c'est genre 98%, tu vois. Ouais. Ceux qui ont des DRM, en fait, c'est ceux qui ont besoin d'un launcher origin, tu vois, pour être lancé. Mais sinon, à part ça. Ah oui. C'est un truc de fou. Là, aujourd'hui, quoique non, on est samedi, donc ils le donnent depuis jeudi, il file Rayman Legends. C'est pas rien, très bon jeu en plus. Excellent jeu, enfin moi c'est un de mes jeux préférés de ces dernières années, quoi. Ouais. Vraiment, je l'adore. Quoi. J'aime bien aussi, ouais. Et je crois qu'il est sans DRM. Enfin c'est incroyable quand même. Ouais. Donc tu vois c'est rien n'est perdu. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il donne comme jeu? Enfin, je crois que c'est un jeu indé plutôt cool. Ok. C'est moi ça m'étonnerait pas qu'un de ces quatre il file Céleste. Hein. Ok. Franchement les connaissant. Je vais essayer de me connecter vite fait sur l'Epic Game Store, voir. En fait, je me suis peut-être emmêlé les pinceaux. C'est peut-être là que j'ai vu Céleste passer. Mais ouais, en tout cas, pour en revenir aux conventions. Le gros dé. Non, mais forcément, on est obligé de faire. Ah, ben voilà, oui, ça a glissé, chef. C'est toujours comme ça. Non. La semaine prochaine, c'est Jotun. Ah, Jotun, ok. Édition. Ouais, c'est un jeu sympa avec une belle esthétique viking. J'ai pas pu jouer, mais j'ai vu l'esthétique. Eh ben, tu pourras le choper gratos la semaine prochaine. Ouais. Tu les chopes les jeux gratos ou pas? Non, j'ai pas de compte Epic Game Store. Ah là, pas bien. Franchement, c'est dommage. Mais ouais, mais c'est souvent des jeux Windows et moi je ne suis pas sous Windows. Ah oui, mince. Ouais. Mais en soi, tu t'en fous un peu. Tu peux juste, depuis ton téléphone, te créer un compte Epic Game Store et tu chopes les jeux. T'es pas obligé de les télécharger. En fait, ils se mettent dans ta bibliothèque. Et tu les as de côté, et le jour où tu veux récupérer les fichiers, tu te connectes sur un PC Windows, tu récupères les fichiers. Ouais, donc c'est comme sur GOG, en fait, ok. Ouais, en quelque sorte. Okay. Et ça, c'est trop cool. Je discutais sur Facebook, là, avec quelqu'un qui travaille dans une médiathèque en France et qui a pas de moyens pour développer les jeux vidéo dans sa médiathèque, qui dit, quelle est la solution pour que je propose des jeux vidéo à mes jeunes, quoi. Et je lui ai dit, tu te crées un compte Epic Game Store et toutes les semaines, tu chopes des jeux gratuits. Et comme ça, tu te constitues une bibliothèque qui est gratos, vu que t'as pas de sous. Et tes jeunes, ils vont pouvoir découvrir en plus des jeux qui sont trop bien. Ils vont faire Limbo, ils vont faire plein de trucs Limbo, trop bien, quoi. Okay. Mais vraiment, là, j'ai une bibliothèque de 40 ou 50 jeux, je crois. Tous gratos. Il y a une semaine, ils ont filé 6 jeux Batman. Genre la trilogie Batman Arkham et Lego Batman 1, 2 et 3. Ouais, d'accord. Non, mais c'est un truc de fou. C'est la fête, hein. C'est un truc de fou. Après, on sait pourquoi ils font ça, tu vois. C'est pour attirer les gens chez eux, les créer des comptes. Et c'est surtout que les gens prennent l'habitude d'avoir leur bibliothèque là-dessus. Ouais. Et ça marche. Pour preuve, mon cousin, il a pas acheté son jeu sur Steam, il a pas acheté son jeu sur GOG ou autre. Ouais. Comme maintenant, sa bibliothèque, elle est sur Epic Games parce que toutes les semaines, il chope ses jeux gratos. Et bah, c'est là qu'il a acheté son jeu payant. Ouais, c'est bien rodé, tout ça. Hein. Et du coup, ils ont été forts là-dessus. Ouais, hein. Ouais. Et tu l'as vu. Tout à l'heure, t'es venu dans la salle. Les jeunes, ils peuvent jouer à plein de jeux. Ouais. Et à quoi ils jouaient? Ils jouaient tous à Fortnite, etc. Hein. Leur stratégie, elle a trop bien marché. Ouais, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? C'est que nous, on a un petit peu d'expérience dans le domaine, puisqu'on a eu l'occasion d'organiser des événements, etc. Ouais. Et notamment avec l'arrivée du dématérialisé, il y a aussi une autre contrainte, c'est que quand t'organises un événement, la plupart du temps, c'est dans des lieux qui sont pas équipés d'internet, en fait. Et ouais. Et du coup, à l'avenir, si on tend vers ça, notamment vers du streaming de jeux vidéo, tu pourras pas proposer du jeu récent, parce que, bah, quand t'organises un truc dans un gymnase, ou, voilà, dans une salle de concert ou n'importe quoi, la plupart du temps, il n'y a pas de connexion Internet. C'est des lieux qui sont pas à la base pensés pour ça, et c'est dans ce type de lieu que se déroulent la plupart des conventions, et du coup, plus possibilité de se positionner sur du jeu récent, quoi. Ouais, et puis même si on était en 4G, on est quand même limité. Ouais, enfin, c'est voilà, chaud, quoi. Quand tu vois, là, j'ai un peu regardé pour Stadia ce que ça pompe en débit. Ouais, c'est violent. Après, par contre, je suis assez agréablement surpris. J'ai regardé pas mal de mecs qui faisaient des tests et tout. Globalement, d'un point de vue technique, les gens sont plutôt convaincus. Après, il y a d'autres interrogations quant à la bande passante et notamment la quantité de données que ça consomme en temps réel. C'est un truc de fou. Genre, si t'es en 4G, tu te crames un forfait 100 gigas en quelques heures, quoi. C'est un truc de dingue. Ouais, typiquement, moi, je pense que Stadia, c'est un matériel qui arrivait un peu trop tôt, en tout cas pour le marché français. Mais on sait qu'à l'avenir, là, déjà, je discute avec des jeunes qui ont pas les moyens pour le moment de s'acheter un PC gamer et ils réfléchissent à la solution Shadow, tu vois. Ah oui, Shadow, ouais. Donc, s'ils sont prêts, à passer en dématérialisé, même en termes de configuration, à l'avenir pour les jeux, ils le feront aussi, tu vois. Mais c'est juste que pour le moment c'est encore un peu tôt. Le problème de Stadia pour le moment c'est que t'achètes encore tes jeux à l'unité. Oui. Et donc te dire que même si tes jeux tu vas les payer moins cher, le fait que tu payes déjà 10€ par mois et qu'en plus derrière il faut acheter tes jeux, bah c'est un peu galère, quoi. Ouais. Mais je vais quand même surveiller ça de près parce que malgré les défauts, malgré effectivement les questions que ça pose sur la possession des jeux, est-ce qu'on les aura encore demain, etc. Il y a quand même un petit côté qui est un peu séduisant à te dire, bah voilà, je commence ma partie sur mon ordi, je la finis sur mon téléphone dans le bus et tout, et t'as pas besoin, bah, d'acheter une nouvelle console tous les 5 ou 6 ans, donc débourser 4 ou 500 euros au moment de la sortie. C'est clair. Et ce côté-là est hyper séduisant, notamment pour le grand public, enfin, te dire, bah voilà, c'est fini. L'argent que je mettais en fait tous les 5 ans dans une nouvelle console, eh ben, tu le divises et c'est un abonnement mensuel et hop, t'as tes jeux sur n'importe quelle plateforme. Tu peux même jouer. Là, j'ai vu Shadow, tu peux le faire tourner sur un Raspberry Pi. Bah oui, forcément. C'est-à-dire que... C'est puissant, hein. En gros, tu branches un Raspberry Pi à ton ordi et tu peux faire tourner Tomb Raider, quoi. Par exemple, ouais. Avec un truc qui coûte 30€. Bien sûr. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est dingue. C'est un truc de dingue. Il faut la connexion après. Ouais, il faut une connexion, mais là aussi, ça se démocratise de plus en plus. C'est pas parfait partout. Non. Nous, on est plutôt en province, donc c'est pas aussi bien que dans les grandes villes. Mais quand même, tu vois, même dans notre ville, il y a pas mal de quartiers qui sont fibrés, etc. Donc, oui, c'est ça, ouais. Bon, moi, malheureusement, je vais avoir la tristesse de t'annoncer que je passe de la fibre à 3 mégas dans un an. Alors, je peux te dire que je vais souffrir le martyr. Ouais, ça se trouve, d'ici là, vous allez peut-être avoir des raccords de monde. Ouais, c'est possible. Mais c'est les joies de partir de la ville vers la campagne. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les salons, slash festivals, slash conventions Bah, moi, à mon niveau, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Je vais quand même juste parler rapidement d'un... Alors, tu vas peut-être nous retrouver le nom. Mais c'est un salon qui se passe à Poitiers, une espèce d'énorme LAN qui se fait régulièrement. Ça me dit quelque chose. Là, je l'ai pas en tête. C'est en fait, c'est la plus grande LAN française. Il y a aussi une à Lyon qui est hyper grosse. En LAN aussi? Ouais. D'accord, ça je l'ai pas. Bah, à Lyon, c'est la Lyon e-sport en fait, tout simplement. Ok. Et à Poitiers. Et je crois que c'est pas la Gamers Assembly du coup. C'est peut-être ça, ouais. Ouais, bon, à vérifier, mais cela dit, c'est pour montrer que. Alors ça, c'est un événement qui est là depuis assez longtemps, de nombreuses années. Ça revient sur le devant de la scène. Et ça revient. Moi, j'aurais jamais cru pouvoir voir des événements où les mecs, ils ramènent leur tour sous le bras et dormir sur place et tout ça. Alors, je pense qu'il faut l'avoir vécu à une certaine époque pour apprécier le principe, mais pleinement le principe. Mais on peut voir que c'est un événement qui dure. Ouais, mais tu vois, moi, je suis assez étonné de voir justement des ados de 14, 15 ans qui sont hypés par des LAN, tu vois. Tu sais, c'est peut-être des fois des ados de 15 ans qui ont vu leur père ou leur mère, peu importe, ou leur frère, etc., ouais, faire ça. Tout simplement, leur streamer préféré, bah, ils participent à des LAN et ils se disent « Tain, ça a l'air trop cool » et ils y vont, oui, et c'est ils vrai. Aiment. Et il y a ça aussi, tu c'est vois. C'est vrai, c'est vrai. Et je pense que c'est vraiment en train de revenir sur le devant de la scène. Ça a été propulsé par l'explosion de certains jeux e-sport, par du Rocket League, par du Fortnite, par du League of Legends. Et tout ça, Counter-Strike aussi, CSGO, n'empêche, c'est quand même bien populaire chez les jeunes et tout. Et tout ça, ça contribue aussi au retour de ce type d'événement. Et ça commence à refleurir un petit peu partout. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait un petit peu revenir au débat qu'on avait eu sur l'e-sport, où je disais, bah, ce qui serait cool, c'est qu'il y ait des structures qui se créent autour, pourquoi pas des clubs e-sport, etc. Et peut-être que ça va arriver justement autour de ces LAN, qui est vraiment des choses qui s'organisent dans les villes. Bah, là, nous, ici, à la médiathèque, typiquement, ce qu'on a au deuxième étage, c'est une salle de LAN, quoi. C'est 8 ordinateurs qui sont en réseau. Et tous les jours, c'est blindé. Mercredi, j'avais beaucoup trop de monde. J'étais obligé de dire aux gens, bah, vous tournez toutes les 20 ou 30 minutes parce que y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, il y a un vrai engouement pour ça, quoi. C'est, moi, je trouve ça cool. Tu t'as ça de tout âge ou t'as vraiment une centralisation? Bah, moi, ici, ado. Forcément, j'ai surtout de l'ado. Et forcément, si t'as de l'ado, c'est un espèce de cercle, alors je sais pas si c'est vertueux ou vicieux, à chacun de définir, mais quand t'as des ados, ça attire des ados. Ouais. Et quand il y a plein d'ados, les autres publics osent pas trop venir. Ouais, ouais. C'est-à-dire que les enfants sont un peu effrayés, les parents se disent, bon, visiblement c'est pour les jeunes, c'est pas pour moi. Ouais. Du coup, moi j'ai une très grosse majorité d'ados. Okay. Mais sur les LAN, je pense qu'aujourd'hui, on voit vraiment tout type de public, hein. On voit autant des mecs de, d'une dizaine d'années, vingtaine, trentaine, voire quarantaine et plus, hein, tu vois. Et ça, je trouve ça enthousiasmant, c'est vraiment chouette. Allez, moi, je vais finir par te poser peut-être une dernière question avant qu'on finisse ce podcast. Si tu devais imaginer ton salon rêvé, genre la convention, soit que tu l'as créée, soit que tu aimerais y participer, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Ok, à chaud comme ça, je n'y ai pas imaginé avant. Je pense que si je devais créer une convention, je chercherais à faire une convention à taille humaine, pas un truc énorme. Ouais. Donc je serais clairement pas dans l'imagination d'un salon type 3, évidemment. Ouais, national. Moi, c'est vraiment un salon où l'humain prime. C'est qu'en gros, je favoriserais le côté échange entre joueurs passionnés. Et donc, réaliser mettre en place des animations en rapport avec ça. Le type tournoi, speedrun, un petit peu histoire du jeu vidéo avec le fait de toucher à la fois les petits et les grands, ou intéresser les petits à ce que les grands jouaient avant quand ils étaient petits. Moi, c'est vraiment ce côté-là familial, mais également un petit peu gamer pointu aussi pour certaines choses. C'est d'arriver à la fois à mixer les deux pour qu'à la fois les familles puissent se dire waouh, ok, il y avait ça à l'époque, ou il y a ça il y a très peu de temps, j'ai pas envie forcément d'aller que sur du rétro, mais de faire une sorte d'éventail du rétro jusqu'à assez récent pour que tout le monde puisse s'y retrouver et que tout le monde puisse découvrir des choses. Moi, l'idée, et d'ailleurs c'est comme ça que je conçois aussi mon travail et ma vie en général, c'est le partage des choses. Ouais. C'est de se dire, est-ce qu'on peut aller plus loin que les œillères qu'on s'est mis? Ouais. C'est de se dire, ok, prenons l'exemple des joueurs, je joue à FIFA, Call of Duty, mais qu'est-ce que je peux trouver autour de ça? Parce qu'aussi bien, c'est parce qu'ils n'ont pas été intéressés, parce qu'ils n'ont pas eu ces choses-là qui sont arrivées à eux, parce que c'est pas eux forcément qui... Oui, il y a peut-être de ça aussi. Hein. Et ça peut être aussi des pères ou des mères de famille qui, aujourd'hui, voient Fortnite d'un mauvais œil, parce qu'ils ne connaissent pas. Et leur expliquer qu'est-ce qu'il y a de bien dans le jeu, etc. Parce qu'aussi bien, ils vont pas forcément aimer à 100%, mais ils vont peut-être se dire, ah, il y a des choses qui me plaisent bien dedans. Ouais, carrément. Parce que l'image, par exemple, d'un Fortnite, comme tu vois pas mal d'enfants qui jouent dessus, qui s'énervent dessus, etc., tu pourrais te dire c'est un jeu abrutissant pour les gamins, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Ben ouais. Voilà. Donc moi l'idée, je pensais pas t'entendre dire ça un jour. Ouais, mais parce que voilà, je suis ouvert. Alors moi, pour l'instant, je suis quand même relativement hermétique à Fortnite. Ah, mais ça veut pas dire que le jeu toi t'intéresse, mais tu peux y voir ce qu'il y a d'intéressant dedans. Ouais, ouais, complètement. C'est ça qui est important. Mais voilà, c'est vraiment ouvrir les esprits et que les gens qui s'intéressent à un minimum puissent voir un maximum. ou pas, hein, s'ils ne souhaitent pas, ils font pas, mais ouais. qu'ils ont cette proposition de se dire, on vient en curieux, on vient pas en étant jugé. Tu vois, il y a plein qui, comme tu disais tout à l'heure par rapport aux salles d'ado, où les plus jeunes, ils ouais, viennent pas, sûr. Etc. Moi, l'idée, c'est de, que le truc soit... Ouais, mélanger les publics. Voilà. Moi, c'est vraiment mon truc. Le truc parfait, ce serait ça. Trop bien. Mais qu'il soit, du coup, un salon assez gros, quand même. Ouais. Pour pouvoir toucher tous ces publics-là, pouvoir les accueillir, faire des animations intéressantes, et que tout le monde kiffe, quoi. Ouais. Trop bien. Voilà. Et toi, du coup, si je te posais la question... Bah, je pense qu'on se rejoint sur certaines choses. Ouais. Hein, moi, dans l'esprit, j'aime bien le délire Stunfest. Après, dans mon truc rêvé, le Stunfest est presque un petit peu trop gros, tu vois, pour vraiment le truc dont je rêve ultime. Mais un petit peu dans cette idée. Alors moi, la partie speedrun et tout me tente moins, même si j'y suis ouvert et je trouve cool que ce soit proposé. Moi, l'intérêt, c'est de montrer un petit peu toute la diversité du jeu vidéo, en fait. Donc, montrer un petit peu au grand public tout ce qui existe. Montrer qu'il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Qu'on peut... Moi, par exemple, quelqu'un qui me dit « j'aime pas le jeu vidéo », c'est inconcevable, tu vois. C'est exactement la même chose que quelqu'un qui me dit « j'aime pas la lecture ». Moi, quelqu'un qui me dit « j'aime pas lire », la première réponse que je lui apporte, c'est « bah, on t'a pas mis le bon livre entre les mains ». Quelqu'un qui aime pas lire, c'est pas possible. Il y a forcément, sur les millions de livres qui sont sortis, un qui est susceptible de te plaire. Tu bien sûr. Et pour le jeu vidéo, je suis persuadé que c'est la même chose. Parce que le jeu vidéo, bah si t'aimes pas la technicité du jeu vidéo, le fait qu'il y ait une manette, eh ben on va peut-être te trouver quelque chose sur tablette. Si ce que t'aimes pas c'est la violence, ben on va te trouver quelque chose qui est pas trop violent. Si t'es passionné par les pirates, on va te trouver un truc sur les pirates, etc. Et donc c'est un petit peu montrer toute cette diversité, okay. Montrer que le jeu vidéo est une histoire, donc d'où on est parti pour en être là où on en est aujourd'hui. Tous les types de supports, c'est-à-dire que bah tu peux autant jouer sur ta tablette que sur ta télé, sur ta console portable, sur ton téléphone, en réalité virtuelle, qu'il y a plein de choses, et voire même qu'on peut s'amuser, qu'on peut récupérer un univers de jeux vidéo pour en faire un jeu de société, qu'on peut prendre un film et en faire un jeu vidéo. Bref, tout ça. Forcément, moi, ce que j'aime le plus sur les festivals, etc., c'est tout ce qui est conférences, tables rondes, etc. Pour moi, ça, c'est la vraie plus-value de ces moments. Faire intervenir des gens qui sont intéressants, qui sont passionnants, qui ont des choses à raconter, qui ont un point de vue à apporter, ça c'est génial. Et globalement, se dire que ce que tu fais, ça sert un, à partager, deux, à démocratiser et à comprendre, et trois, à faire avancer les choses. Te dire que tu fais avancer en gros le mouvement, que tu montres que voilà, c'est le jeu vidéo, ça a toute sa légitimité, que c'est une culture à part entière, que qui peut vraiment séduire d'autres personnes. Et n'importe quoi. Vraiment, tu te mets pas de limite. Bah, tu fais une espèce de jeu vidéo concert où t'as un mec qui joue et pourquoi pas des musiciens qui jouent des musiques de jeu en même temps. Tu vois. Enfin, tu vois, on peut tout imaginer. Quoi. Moi, c'est vraiment ça. Tu vas faire des ateliers de création de jeux vidéo. Ouais. T'as un mec qui vient montrer à des enfants ou à des adultes comment on fait. Avoir, je sais pas, une partie atelier création de bornes et tout. Enfin, vraiment en délire. Vraiment, comme tu disais, à taille humaine, tu vois, pour moi, le Stunfest, c'est presque un tout petit peu trop gros. Ouais, un truc légèrement plus petit, où vraiment, t'as le temps d'aller discuter avec les gens, où t'as différents espaces en fonction de ce qui te séduit. T'as envie d'aller voir une conférence, tu peux aller voir une conférence. T'as envie juste de jouer avec tes potes, tu peux aller jouer avec tes potes. T'as envie d'un truc un peu plus compétitif, ben, il y a peut-être une LAN quelque part. Mais voilà, un truc un peu à taille humaine et tout, ça pourrait être... Trop cool. Donc, Mais je te rejoins bien sur l'idée des conférences et tout ça parce que. Moi, c'est ce que je préfère. Ouais, et puis ça apporte vraiment une profondeur, en fait. Parce qu'au lieu d'être simplement sur le fait de consommer, jouer, regarder, tu vois, c'est des échanges, des réflexions un peu sur tel ou tel sujet et je trouve ça vraiment bien. Et en plus, en fonction de douter, la conférence, elle peut être. Soit ultra grand public, soit hyper pointu, ouais. En fait. C'est-à-dire que si tu t'adresses à des mecs qui sont vraiment connaisseurs et tout, tu peux faire une conférence sur le jazz dans le jeu vidéo, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est faisable. Et tu auras des gens que ça va intéresser. Mmh. Tu vas pouvoir parler de du dernier jeu, là. Inspiré de Mickey, j'ai plus en tête... tu vois, inspiré... Cuphead. Ah, voilà, Cuphead, okay. Ouais. Et tu peux faire un truc hyper grand public, tu peux dire, bah voilà, conférence sur les grands genres de jeux vidéo pour comprendre ce qu'est le jeu vidéo. Voilà, conférence, le jeu vidéo, c'est quoi, tu vois. Ouais. Et je suis sûr large, que, et je suis sûr que même quelqu'un qui s'y connaît aurait des choses à apprendre là-dedans, tu vois. Oui, oui, oui. C'est, après, ça dépend des gens qui interviennent. Et après, tu peux faire de l'entre-deux, tu peux faire un truc sur, bah, nous, on a eu l'occasion de faire des trucs sur le jeu vidéo japonais, sur, l'évolution des consoles. On avait fait aussi sur les métiers du jeu vidéo. Les métiers du jeu vidéo, enfin, voilà. Moi, je trouve ça vraiment passionnant. Et en plus, sur des choses comme ça, tu peux avoir dans le public des gens qui n'y connaissent rien et qui ont la curiosité de s'éveiller à ces questions-là. Et c'est hyper cool. Voilà un petit peu ce que c'est mon salon rêvé. À voir s'il existera un jour. Ça se trouve, il existe déjà et on ne le connaît pas. C'est bien probable. On ne le connaît pas. Mais... ouais, ce serait grave cool. Ce serait grave cool. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un mot à dire pour la fin ou... C'était très beau. C'était très beau. Bon, bah... Une belle fin, je trouvais, avec des... Voilà. Ouais, carrément, carrément. Ouais. Plein de belles choses à venir, à mon avis. Mm-hmm. On espère que cet échange, cette discussion, ce débat vous a intéressé. Les petites chroniques aussi sur les coups de cœur, etc. Là, toutes les parenthèses qu'on a pu faire. Ouais, c'est vrai, ça se... Vous nous direz si ça a été pertinent ou non. En attendant, on se donne normalement rendez-vous le mois prochain, donc ce sera au mois de janvier, puisque là, on enregistre le 30 novembre, du coup, ce sera diffusé début décembre. En attendant, on espère que vous aurez des beaux jeux à tester en cette fin d'année, que vous serez tous gâtés pour les fêtes. Et on se dit à bientôt, tout simplement. Rendez-vous en 2020. J'ai rien oublié de dire. Je crois que c'est tout bon. Non, cette fois, on vous donne pas forcément la possibilité de voter pour un sujet. Je pense qu'on va réfléchir entre nous sur un sujet qui nous tente pour le mois de janvier. Et peut-être qu'au numéro de janvier, à la fin du numéro, cette fois, on vous reproposera de nouveau de voter pour des sujets... Qu'on aura réfléchi. On va un petit peu réfléchir à tout ça. Je te dis salut, Fabien. Ciao, Alexis. Salut.